C'est fou! 89.1. Le plan d'aujourd'hui à sondage requis. Véronique Bire fera passer au vent quelques pages de sa Véronique Loupédie. Et Stéphanie Paradis allumera sa télé pour garder la neige dans sa chronique patate de sofa. Oh, assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. En ce jeudi 7 décembre 2017, on est à 141 jours de la fin de l'année scolaire et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Bon matin, Mathieu! Bonjour à toi! Journée pas trop déplaisante ce matin. Ça va faut, bien. Faut l'avouer, il fait pas trop froid. Un peu de vent, mais c'est pas si pire que ça. Exactement. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait un petit peu, c'est la grande guignolée des médias. Alors, si jamais vous êtes sur le chemin du travail, le chemin de l'école ou peu importe, vous en allez quelque part en voiture ou à pied aujourd'hui et vous croisez des gens qui ramassent quelques dons ou quelques denrées non périssables, bien, pensez-y, hein, faites votre bonne action. Et passez par le campus, hein? Oui, tout on à fait. On va être là, nous, pour dans mon cas, tu sais que ça fait vraiment longtemps que je suis ici. Oui. C'est la deuxième fois de ma carrière que je vais faire la grande guignolée. On l'a pas fait depuis vraiment longtemps. Je pense que ça fait plaisir aussi de participer pour un événement comme ça. Donc, comme Mathieu vient de le dire, on va être sur le campus de l'université à des entrées bien spécifiques. On vous reviendra avec les détails d'ici la fin de l'émission. Mais si jamais vous passez aujourd'hui, pensez-y que ce soit un petit 26 cents là, dans le fond de votre cup à café, là, dans votre voiture, bien ça fait une différence pour plusieurs personnes de la Mauricie. Tout à fait, c'est important ça. Merci de le rappeler, Daniel. Fait plaisir. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir Véronique Mire à 7h30 pour sa chronique de la Véroniclopédie. Véroniclopédie. C'est difficile à dire, c'est pour ça que je te laisse le dire. Ouais, mais tu es très gentille. Un jour, je l'aurai. Oui, c'est ça. Mais pas maintenant. D'accord. Pas maintenant. Donc, Véronique, à chaque semaine, j'oublie de regarder qu'est-ce qu'elle nous présente, mais je sais qu'elle le met sur Facebook. Attention, elle nous parle de moustache, assurance corporelle, pizza mondiale, les publicités peuvent-elles rendre plus heureux, Wonder Woman et polygraphe. Eh hey boy, du stock à matin? Elle nous dit un régal assuré à sa chronique à 7h30. Alors, ensuite de ça, à 9h, Stéphanie Paradis va être là pour Patate de Sofa. Mm-hmm. Elle nous présente une série télé qu'elle a regardée pendant les deux dernières semaines. Ouais. Mm-hmm. En fin d'émission, une grosse pointe à l'adresse. Stéphanie va rester avec nous pour ça, comme d'habitude. Je me sens sucré aujourd'hui. Ah ouais? Sucré. OK. Ta chronique s'en vient plus tard aussi. Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce qui nous attend? Bien, on a comme pas le choix. Là. On est rendu le 7 décembre. On parle un petit peu du temps des fêtes. Je vais vous parler de parties de bureau. Oh boy! Mais aussi de bouffe des fêtes. OK. Oh! Mm. Ce sera en milieu d'émission environ. Ouais. On a aussi son fou palmarès qui s'en vient dans quelques instants. On va parler de chocolat aujourd'hui. Mmh. Mais avant ça, on écoute une pièce. Tu sais qu'on va faire la grande grignolée des... La grande grignolée. Oui. La grignolée. La grignolée. Des médias. Celle-là. Comme on l'appelle. Exact. Son petit nom. Mais on fait pas ça pour se faire voir. Non, non, non. Non, non, non. Mais si jamais vous voulez nous prendre en photo ou en vidéo, ça va être bien correct. Fait qu'on va dire filme-moi, non? Filme-moi, hein? Comme allez, c'est moi. C'est ça. Nouvelle entrée du palmarès francophone. Les images, pas trop instinctives. comme moi, Alice et moi. Mmh. Oh oui. Toi, ça? Ah oui. Ah, Alice, moi. Oui. C'est une liste de deux personnes. C'est pas mal une liste. On oui, va aller plus bien que. Bien il va y avoir plus que deux choses dans ah, les okay. miennes. Et donc voici son foutu palmarès. On va établir une liste sur un sujet plus ou moins précis. Aujourd'hui, on parle de chocolat. Ouh, miam. Chocolat. Donc, j'ai comme vraiment, vraiment beaucoup de faits, mais la plupart sont courts, vous allez voir. Commençons par les célébrations du chocolat. OK. On cherche toujours une raison de manger du chocolat. Donc, sur le calendrier, il y a plein de fêtes à célébrer. Le 7 juillet, c'est la journée du chocolat. Mm-hmm. La tradition historique qui marque le jour où le chocolat a été amené en Europe pour la première fois, le 7 juillet 1550. Même si un certain nombre de sources disent que c'est arrivé sur le continent en 1504. Donc, les gens se battent un petit peu. Ils disent en 1504 que c'était grâce à Christophe Colomb. Journée officielle ou pas, on sait que le chocolat est arrivé en Europe en quelque part au 16e siècle. Il y a aussi la journée nationale du chocolat au lait qui est le 28 juillet, la journée internationale du chocolat le 13 septembre et la journée nationale du chocolat mi-amer, je crois, bittersweet, c'est comme ouais. amer sucré un petit peu, avec des amandes. Oh, miam! Le 7 novembre, c'est la journée de ça. Ça, on aime ça. Et c'est spécifique un peu, je trouve. Le chocolat pourrait être dit comme si c'était un légume. Si on veut. OK. Le lait. Ça, est... Tu vois, ça rentrait pas dans mon alimentation normale quand j'étais jeune. Ça devrait être. Le lait et le chocolat au lait et le chocolat noir viennent du cacao, le grain de cacao, bien sûr, qui pousse sur le l'arbre, le cacaotier qu'on dit, je crois, en mm-hmm. français. Théobroma cacao, de la famille des Malvacées. OK? Oui. Et ça fait que c'est la partie la plus importante du chocolat, qui est un légume, finalement. Ah! Ben, mon Dieu, je savais pas ça. Le chocolat blanc n'est pas du chocolat. Non! Non, ça ne contient pas de cacao. On a déjà parlé de ça dans une précédente ouais. chronique. Même chose, donc ça ne contient pas de solide du cacao, ni de liqueur de chocolat. Le chocolat blanc n'est donc pas du chocolat, mais ça contient des parties du grain de cacao, dont le beurre de cacao. Ah, OK, ouais. Principal. Le grain de cacao est natif du Mexique et mm-hmm. de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. On croit que les habitants de ces endroits-là ont commencé à cultiver le grain en 1250 avant J.C., peut-être même avant. Le chocolat chaud était le premier délice chocolaté. Oui, oui, le cacao qui était dans les cultures aztèques et mexicaines. Donc, ça ressemblait vraiment pas au chocolat chaud qu'on connaît aujourd'hui. On a déjà parlé de ça aussi à l'émission. C'est un petit peu plus âcre, amer. C'était utilisé pour des occasions, des cérémonies comme des mariages. Marie-Antoinette aimait le chocolat chaud, mais le type plus moderne. Elle aimait le chocolat chaud qui était servi aussi au palais de Versailles. On dit que la boisson était un aphrodisiaque. Le cacao a déjà été utilisé comme monnaie. Les Aztèques aimaient le grain de cacao tellement qu'ils utilisaient ça comme argent pendant leur civilisation à son point le plus fort. Ensuite, une paire de gens qui confectionnent des bonbons, mm-hmm. c'est eux qui ont inventé le chocolat solide. La boutique Fry & Sons a créé ce qu'ils appelaient le chocolat à manger. En 1847, en combinant du beurre de cacao, du sucre et de la liqueur de chocolat. Mmh. C'est un petit peu granuleux, c'est une forme solide et granuleuse de ce qu'on connaît aujourd'hui. Napoléon aimait le chocolat. Oui. Le chef français demandait à ce que du vin et du chocolat soient disponibles pour lui et ses conseillers, même pendant les campagnes militaires les plus intenses. Le chocolat du pâtissier n'est pas seulement pour la pâtisserie. Dr. James Baker et John Hannon ont fondé leur compagnie de chocolat, qu'on a plus tard renommée Walter Baker Chocolate, en 1765. C'est de là que le terme Baker's Chocolate vient, et c'est pas seulement pour la cuisine. Milton Hershey était un maître des bonbons. On connaît le nom de Hershey, mm-hmm. bien sûr. Il était natif de la Pennsylvanie, connu pour avoir démarré l'entreprise The Hershey Chocolate Company à Hershey, en Pennsylvanie. Mais il a commencé dans les bonbons bien avant de faire du chocolat. Il a fondé sa première compagnie, The Lancaster Caramel Company, alors qu'il avait 30 ans. Le chocolat au lait a été inventé en Suisse. Daniel Peter a créé cette confection en 1875 après 8 ans d'essai pour faire fonctionner sa recette. Du lait condensé, finalement, a été l'ingrédient clé de sa recette. Faire du chocolat, c'est très, très difficile. Le grain de cacao ne se transforme pas par magie en chocolat. Ça prend environ 400 grains pour faire une seule livre de chocolat. La première barre de chocolat a été fabriquée en Angleterre. C'était en 1842. La compagnie Cadbury a fait la première barre de chocolat. La compagnie existe toujours et est surtout célèbre pour ses chocolats de Pâques. La plupart du cacao, une grande majorité du cacao, pousse maintenant en Afrique. Malgré ses racines en Amazonie, la plupart du cacao, presque 70% du cacao dans le monde, vient de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est le plus grand producteur, environ 30% du cacao du monde entier. Les cacaotiers peuvent vivre jusqu'à 200 ans. Ça a l'air impressionnant, ben comme oui, ça. Ben oui, vraiment. mais ces beautés tropicales-là ne font des grains de cacao qui sont utilisables seulement pendant 25 ans de leur carrière. Il y a deux types de cacao. Le chocolat moderne, en grande majorité, vient des grains forastéraux, considérés comme faciles à faire pousser, mais le grain krilo serait apparemment meilleur, plus rare, donc j'imagine plus cher. Hein? Ah oui, probablement. Et le chocolat a un point de fondaison, un point de fonte. Ils fondent à un certain point, ça. Hein? donc, ça va fondre à environ 93 degrés Fahrenheit. Et ça, 93 degrés Fahrenheit en Celsius, ça donne 33,88 environ. C'est juste en dessous de la température du corps. C'est pour ça que le chocolat fond si facilement. Exactement. Sur la langue et dans les mains. Hein? Voilà, donc on avait déjà entendu quelques-uns de ces faits-là. Maintenant, parlons de d'autres choses complètement. On va y aller plus spécifiquement chez Hershey. OK. On va y aller avec des faits sur Hershey. Hein? D'accord. Les produits préférés de bien des gens. La compagnie de Milton Hershey, dont on a parlé tantôt, c'est le plus grand manufacturier de chocolat en Amérique du Nord. Commençons par l'Empire Hershey, qui a été construit sur une éducation de M. Hershey, qui s'est arrêté en quatrième année. Hein? La famille Hershey a déménagé beaucoup quand Milton était enfant, ouais. Donc il changeait d'école souvent. Quand Hershey a terminé sa quatrième année, ses parents ont décidé que c'était l'heure, le moment pour ce jeune homme d'aller apprendre un métier. Donc wow. Il a commencé, il était apprenti dans le domaine de l'impression sur papier, là, mais il a vraiment pas aimé ça. Et en 1872, il a commencé à travailler dans les bonbons à Lancaster, en Pennsylvanie. Ben Moses. Son premier amour à Milton Hershey, je le comprends tellement, c'était le caramel. Ah oui, toi, puis le caramel, hein, Mathieu? C'est l'amour de ma vie. en 1876, Milton Hershey est allé en Pennsylvanie et a utilisé ce qu'il a appris comme apprenti dans le domaine des bonbons pour démarrer sa première entreprise, Crystal et Caramels. Lorsque son aventure a été un échec, malheureusement, Hershey a trouvé un autre poste d'apprenti à Denver. Après être retourné dans l'Ouest, il a démarré une autre compagnie, une deuxième, à New York City. Aussi un échec, tu vois qu'il faut persévérer dans la vie. Hein. Hershey est retourné à la maison et sa troisième entreprise, The Lancaster Caramel Company, dont on a parlé tantôt, est devenue une entreprise à succès avec plus de 1400 employés. Il a commencé à s'intéresser au chocolat après la foire mondiale de 1893. Ça faisait 17 ans qu'il avait ouvert sa première compagnie de caramel à échec, là, celle qui n'a pas marché. Hershey est devenu intéressé ensuite par la fabrication du chocolat. Il était donc à la World's Columbian Exposition de 1893 à Chicago. Hershey a été impressionné par la production du chocolat allemand. Ah? Tellement qu'il a acheté la machinerie présente à la foire après la fin. De l'exposition, donc il a vraiment acheté la machine qu'il a vue à ce moment-là, tellement il était impressionné. L'année suivante, il a ouvert Hershey Chocolate Company à Lancaster. Ça a été un énorme succès, tellement qu'en 1900, Hershey a vendu sa compagnie de caramel pour $1 million pour passer complètement au monde du chocolat. Wow! La compagnie Hershey a déjà fabriqué de la gomme. Impressionnant. Milton Hershey, ouais. Donc, Milton Hershey qui avait vraiment pas peur d'affronter des compagnies rivales. À ce moment-là, qu'il croyait que Beechnut Gum allait commencer à fabriquer du chocolat pour lui faire faillite, il a mis son cousin Clayton Snavely, on dirait vraiment un personnage de dessin vraiment? Animé, un vilain. Clayton Snavely! Donc, il a mis en charge d'acheter des équipements et rassembler donc des connaissances pour pouvoir créer de la gomme. Là, on se rappelle que l'autre compagnie de gomme, ouais. Lui, pensait que ça allait créer du chocolat. Exactement. Donc, sa compagnie de chocolat a créé de la gomme. Easy Chew de Hershey a été présenté pour la première fois en 1915. Mais Hershey avait de la difficulté à mélanger le sucre et le chicle. Le tickle. C'est une gomme naturelle. Ouais. Bref, étant donné les restrictions d'importation sur les produits non essentiels, Easy Chew est apparu pour la dernière fois en magasin en 1924, mais quand même, 1915 à 1924, c'est quand même 9 ans. Ouais, pareil. Personne ne sait comment les Kisses ont eu leur nom, même la compagnie ne sait pas. Ah, ben voyons donc. Je te jure, de Hershey. C'est ça, The Hershey Food Corporation a toujours la marque de commerce pour le nom Kisses, qui est arrivé sur le marché en 1907. Mais ne leur demandez pas ce que le nom veut dire. Milton Hershey a amené ce secret-là dans sa tombe. Ah. Une théorie populaire est que le bonbon a été nommé pour le son ou le mouvement du chocolat en train d'être déposé pendant la manufacture à l'usine. Donc, Kiss. Hey boy. Ou le mouvement, tu sais, ça dit le son ou le mouvement, fait que soit ouais. Kiss, ou bien sinon le mouvement qui est genre d'embrasser le tapis roulant, j'imagine. C'est ce que le site web de Kisses. Moi, je dis qu'il l'a offert à quelqu'un à un moment donné, puis il a donné un bec, puis il y a juste lui qui sait. Peut-être bien. Ensuite, les Hershey's Kisses, justement, étaient enveloppés à la main avant. Ah ouais? Les machines qui enveloppent les petits chocolats en forme de clochette dans du papier d'aluminium avec leur matériau signature, ça n'a pas été développé avant 1921, 14 ans après le début de ces bonbons. La ville de Hershey a été construite pour les employés de l'usine. Attends, il y a une ville de Hershey? Hershey, oui, en Pennsylvanie. C'est pas le contraire. On n'a pas nommé le chocolat en honneur de Hershey la ville. On a nommé non. la ville en honneur de, c'est ça. De l'usine. Donc, voilà. Propriétaire d'entreprise à succès avec beaucoup de travailleurs. Milton Hershey croyait que pour que sa compagnie ait du succès, ses employés devaient être heureux. Quel principe révolutionnaire! Il a donc fabriqué et construit une ville modèle, donc qui allait devenir une communauté, avec des maisons en briques, des beaux petits terrains, et il a établi ce qu'on appelle maintenant Hershey Park, pour que les familles puissent avoir un endroit pour aller s'amuser. Pas pire, hein? Le logo de la compagnie était, dans le temps, un bébé à l'intérieur d'un grain de cacao. Pendant 7 décennies, l'image que les amoureux du chocolat associés avec Hershey était le Cocoa Bean Baby. Présenté pour la première fois en 1898, ce jeune enfant apparaissait sur les emballages et dans les publicités jusqu'à ce que la compagnie soit devenue Hershey Food Corporation en 1968. Le Titanic a presque fait couler la compagnie Hershey. OK. Hershey et sa femme Kitty avaient des billets pour monter à bord du Titanic sur son premier voyage, mais quelque chose les a fait retourner à la maison à la place. Il y a deux versions de l'histoire, soit Kitty était malade, ou Milton avait quelque chose à gérer pour son entreprise, ce qu'il a gardé à la maison. D'un bord ou de l'autre, hein, le bateau a quitté, a coulé, on sait comment ça s'est terminé, et au moins ils étaient pas dessus. Le nom Mr. Good Bar. Est-ce que t'as déjà goûté à une Mr. Good Bar? Ça me dit quelque chose, ouais. C'est du chocolat avec des peanuts. C'est bien, bien classique. Il y a ça des fois dans les emballages d'Halloween qu'on achète dans les magasins grande surface. Oui. Parce qu'on n'a pas en tant que tel la Mr. Good Bar au Québec, au Canada. Non, c'est ça. En tout cas, au Canada, je sais pas, mais au Québec, je l'ai jamais vu. Moi non plus. J'ai vu ça, je pense, aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Ben, des fois, on a des emballages avec différentes barres Hershey dedans et Mr. Good Bar est là. Même Crackle est là. C'est comme l'équivalent d'une crunch. Ouais. Celle avec du riz dedans. Ouais, c'est ça. Je pense celle que c'est bleue, là? C'est crunchy. Non, crunchy, c'est crunch. Celle en barre. En barre super dure, qui fait mal aux dents, mais qui ça. Est tellement bonne. La crunch, c'est celle qui est comme plate. Plate, qui se casse tout seul, puis qui est en riz. C'est ça, exactement, qui est comme bleu, blanche. Oui. C'est et rouge. Et rouge, un petit peu. Ouais. Bref, Crackle, c'est l'équivalent chez Hershey. On n'a pas ça ici, mais dans les emballages d'Halloween. Ah, ça serait donc y plaisant. Il y en a des fois. Bref, un chimiste d'usine, qui est plus tard devenu président de la compagnie, Samuel Hinkle, a raconté que la compagnie cherchait à ajouter des produits de l'arachide à leur ligne en 1920, dans les années 1920, pardon. Donc, les exécutifs, les hauts placés, pensaient à un nom. Et quelqu'un disait que le nouveau produit était une très bonne barre. Ah! It's a good bar! Ben oui! Donc, Milton Hershey a été entendu en train de... en fait, il y avait de la misère à entendre. Et il pensait que l'exécutif avait dit Mr. Good Bar et non pas A Good Bar. Aha. Il a aimé le nom, donc c'est resté. Fou pareil, hein? Le chocolat Hershey fait partie de l'historique de l'armée militaire américaine. En 1937, le fabricant de chocolat a rencontré des représentants de l'armée américaine et a commencé à expérimenter avec des barres de rations qui pouvaient donc supporter les conditions de combat de l'armée et qui allaient goûter un petit peu meilleur qu'une patate bouillie. Juste une coche au-dessus d'une patate bouillie pour que les troupes soient pas trop tentées de les manger prématurément, donc trop rapidement. C'est des rations, donc il faut que ça dure longtemps. The Field Ration D Bars, donc c'est des barres de chocolat Field Ration D. Ça a pas été un énorme succès avec les soldats, mais ça a quand même rencontré les spécifications du gouvernement dans le sens que ça suivait les lignes directrices. Entre 1941 et 1945, Hershey a produit plus d'un milliard de ces barres pour l'armée américaine. Le chocolat Hershey résistant à la chaleur. C'est déjà rendu jusqu'à la Lune. Ah, ben voyons donc. Je te jure, après le succès de la barre Ration D, même si dans le précédent fait, on a dit que c'était pas vraiment un succès avec les soldats, mais c'est un succès avec l'armée en tant que telle. OK. Dans le fond, c'est qu'ils voulaient pas que les gens les mangent trop vite, et ça, ça a fonctionné. T'sais, ils les ont mangés, mais lentement. Bref, après le succès, entre guillemets, de la barre Ration D, Hershey a travaillé avec l'armée militaire encore une fois pour créer une barre résistante à la chaleur nommée Hershey's Tropical Chocolate Bar. La barre durait jusqu'à une heure à 120 degrés Fahrenheit. 120 degrés Fahrenheit étant évidemment en Celsius 48,88. Wow! Quand même. C'était donné à des soldats affamés qui entraient donc en combat dans des climats un petit peu plus chauds. En 1971, la barre, les barres ont été données aux astronautes à bord de Apollo 15. Mmh. Wow! J'aimerais goûter à ça, voir si est-ce que c'est différent. Ouais, c'est ça. D'une barre de chocolat normale, on sait pas. Il y a un Kiss de caché à l'intérieur du logo de Hershey's Kisses. Est-ce que t'as remarqué ça? Regarde non. le logo sur la photo sans lire l'article et trouve-moi le Kiss à l'intérieur du logo des Hershey's Kisses. À l'intérieur du logo? Ouais, pas à l'extérieur, autour, ça on sait. Dans le logo, le texte Kisses. Dans le texte Kisses. Oh oui, je l'ai trouvé! Entre le K et le I. Entre le K et le I. Boum! C'est pareil comme FedEx. Une fois que tu l'as vu, tu peux pas le dévoir. Non, c'est ça. Dans le logo de FedEx, il y a une flèche qui pointe vers la droite entre le D et le E. Je savais pas. Tu vérifieras. Une flèche vers la droite, c'est très très clair. Une fois que tu l'as vu, sérieusement, tu peux pas le dévoir. Dans Kisses, c'est la même chose. C'est un genre de petit kiss entre l'intérieur le du K et, I, et la barre de gauche du I. Bref, hein, un petit message caché. Mm-hmm. Ensuite, la compagnie a le record Guinness pour le plus gros morceau de chocolat au monde. Oh, j'en doute pas. Pour leur centième anniversaire, le centième anniversaire de la barre Hershey. C'est bien ça? Hershey, ouais, c'est ça. Donc, c'était en 2007. Non, c'est pour le Kiss, pardon. Hershey a donc fabriqué un gigantesque Kiss qui pesait plus de 30 000 livres. Ça a pris une équipe de 152 personnes pendant 9 jours pour construire la sculpture de 12 pieds de haut et l'envelopper dans 16 000 pieds de papier d'aluminium. Et pour terminer ce segment sur le chocolat, Hershey, c'est le plus grand acheteur d'amandes en Amérique du Nord. Avec des produits qu'on connaît pas ici, mais Almond Joy, Hershey's Nuggets, Hershey's Pieces with Almonds et Hershey's Kisses White Chocolate with Almonds. La compagnie fait que l'usine de la Californie est très, très, très occupée. C'est donc le plus grand acheteur d'amandes en Amérique du Nord. Ça fonctionne bien, l'amande, dans les chocolats. Ah ouais? C'est oui. C'est pas mal bon. J'aimerais avoir des Almond Joy ici. Pour vrai, Hershey, je comprends pas. Il y a beaucoup de produits qui sont pas... Ouais, non, je comprends pas. C'est pas libre ici, c'est bizarre. Ben, écoute, exportation, importation. C'est ça, ça doit pas valoir la peine pour eux. Hein? Exactement. On va laisser la place aux autres compagnies. Voilà, c'est tout pour son foutu palmarès. On écoute... Pour moi, le chocolat, c'est comme le paradis. Oui. Hein? Donc, on s'en va entendre Paradise avec Terra Lightfoot. Assemblage requis. Stay. It's okay. We can try. Lightfoot avec Paradise à Assemblage Requis. Retour de la pause, Véronique Mire va être là pour sa Véronique Lopédie. Salut Véronique. Hello. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt? Eh bien, je vais vous parler de moustaches. Ouh, OK. D'assurance corporelle. Bizarre ça, je comprends pas ça. De garniture à pizza les plus populaires au monde. Ah ben ça. Aussi, y a-t-il un lien entre Wonder Woman et le polygraphe? Wonder Woman et le polygraphe. Je me pose... je me suis toujours posé cette question-là. Hein? Enfin, je vais avoir quand une même. Réponse. Et oui! Ouais, c'est ça, exactement. Au retour à Assemblage Requis, restez là. Assemblage Requis aujourd'hui. C'est fou, 89 ans. Toujours à Assemblage Requis en ce jeudi 7 décembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Notre amie Véronique Mire qui s'en va en voyage très bientôt. Très bientôt. Très bientôt, donc on va la perdre peut-être. Non, c'est pas vrai, t'es dans deux semaines ta chronique. Tu vas être de retour. Ben oui. J'imagine. Oui, oui, oui. Si tu vas bien, je pars à m'amener là, quelque part là. C'est ça, peut-être. On dira pas quand. Non, non, jamais, jamais. Mais on te perdra pas à l'émission. Eh, hey, pas à tout. Non, non, non, surtout si c'est question de bouffe dans deux semaines. Et peut-être, on n'a pas encore rien annoncé, encore. Mais ça non, se non, peut non. très bien, ça se peut très bien. Bref, c'est le moment de faire sa chronique à Véronique Mire, ce qu'on appelle communément la Véronique Loupédie. Mettons-nous dans l'ambiance. On se met les coquillages à l'oreille. On se bouche les oreilles. Et voilà. Véronique Mire. Oh oui. Enfin, cette musique est appropriée à ta vie. Ah oui, ton pas mal. Voyage. C'est une bonne thématique, là, je trouve. Pas pire, ça fait des années qu'on a une plage derrière. Ah et enfin, oui. tu vas être sur une plage. Mm-hmm. Et tu vas avoir de la lecture parce que tu vas pouvoir lire les textes que tu as. Je vais toutes les mettre dans un gros cartable géant. C'est ça. Je vais... T'as ouais. tellement de notes. Et encore une fois, aujourd'hui, tu nous prépares comme 10-15 sujets. Là. Ça ouais, arrête plus. Quelques-uns quand même. Alors, je me suis d'abord intéressée aux moustachus. Moustachu, puisque Movember et compagnie, mais plus particulièrement l'histoire de la moustache, mm-hmm. en fait. Pas moustachu, un peu moustachu connu, mais d'où vient la moustache? Alors, selon vous, dans les traces historiques, la moustache, on la voit depuis quand, à peu près? En tant que juste moustache ou... En tant que poil facial c'est masculin. Ça. Parce que sinon, ce serait depuis toujours. Oui, c'est ça que j'allais dire. Depuis en tant qu'on peut se raser. Avoir la moustache, mettons. En tant que... Étrimée, mettons. Ouais. OK. Depuis l'existence des couteaux ou des rasoirs. Exactement. Fait que je sais pas, c'est quand. Les années 1600? Je dirais même empereur, tout ça, là. Hmm. Genre du côté de l'Égypte. Peut-être, hein? Ouais. What? Non, ça n'a rien à voir. Et oui, oui, oui, Tania, ouais. tu m'éblouis. Oh, damn! Donc, exactement, on retrouve sur les fresques des Égyptiens datant de 2650 avant Jésus-Christ, des hommes qui portent une fine moustache. Donc, il y avait ça sur les fresques des Égyptiens. Il y a Confucius et ses amis qui portaient aussi la moustache au 6e siècle avant Jésus-Christ. Mais la popularité, par contre, de la moustache a commencé au 8e siècle après Jésus-Christ. Donc, ah, okay. Quand même... J'étais quand même loin. Il y en avait avant, mais le tu sais, dire « je porte une moustache, la moustache est là ouais. », c'est 8e siècle. C'était peut-être pas un nom, tu sais. Il appelait peut-être pas ça une moustache. Ouais. C'était peut-être un hasard qu'il avait ça. Puis, c'est ça, exactement. On sait pas trop. Donc, c'est le roi Charlemagne qui incarnait alors le chic français en la portant, alors que d'autres moyenâgeux portaient toujours la barbe. Ah, ce sacré Charlemagne. Donc, il était plus chic que les autres. Pourquoi tu as inventé l'école? C'est lui, ça. Mais c'est pas lui, en fait. Non. Mais non, mais la toune dit ça. La toune dit ça. Donc, la pousse de la moustache a été coupée court en 1447 lorsque le Parlement anglais l'a officiellement banni. Ah, c'est ça? Oui, banni. Alors, un siècle plus tard, le roi Henri VIII, qui a été roi d'Angleterre et d'Irlande de 1509 à sa mort, a même introduit une taxe pour la pousse des poils faciaux de tout genre. Il y en a que ça leur aurait pas dérangé de payer plus cher. Barbe, moustache et favoris surdimensionnés. Les mêmes qui vont chez le barbier, ça leur dérangerait pas de payer une taxe pour ça. Exactement. Quoique lui-même portait la barbe et la moustache. Alors, il met une taxe, mais lui-même la porte. Il voulait que ce soit sa mode à lui. Oui, c'est ça exactement, probablement. La réforme protestante, quand elle est arrivée, elle, en Angleterre, un petit peu plus tard, toujours au 16e siècle, les prêtres se sont alors fait pousser la moustache ou la barbe également, en protestation contre les prêtres catholiques qui avaient le visage bien glabre, aucun poil. Parce qu'on pensait que les poils pourraient emprisonner ou endommager le Saint-Sacrement. Ah! Hein? Parce que c'est les mots saints pourraient rester pognés dans tous ces poils-là. Ben oui, clairement, clairement. C'est logique, là, quand c'est même. C'est normal. La reine Élisabeth I a suivi les pas du roi Henri VIII. Elle non plus n'était pas très fan de la lèvre poilue, alors elle a remis la taxe sur la moustache. Alors, en Angleterre, là, la moustache... controversé. Pas facile. En 1838, le roi de Prusse, alors la Prusse qui est un territoire aux confins de l'actuelle Pologne et de la Russie, interdisait les moustaches dans les troupes armées par peur que ça ne compromette le combat au corps à corps. Donc, le tirage de moustaches. Bon, le tirage de moustaches. Je te tiens par la moustache. C'est pas de là que ça vient. Donc, il y avait ça. Qu'à cela ne tienne, en 1850, les moustaches étaient fort populaires en Europe et en Amérique également. Entre autres, on avait les dandys de New York qui portaient la moustache mince et stylisée grâce à des pommades, des cires et des colorants. Pendant la guerre civile, il y a eu la montée des styles handlebar et walrus. Donc, traduire les styles de moustache... Le morse, c'est la poignée de biker. Oui, c'est ça. Il y a des posters sur Internet là, qui montrent vraiment les types de moustaches. C'est assez drôle. Et aussi, un peu dans ces années-là, il y a eu toute la ruée vers l'or. Donc, les hors-la-loi qui venaient avec. Alors, toute la moustache, les grosses moustaches Wild West, là, c'était très populaire. Donc, de nouveaux produits comme les peignes à moustache et surtout un peu plus cocasse, des tasses avec un rebord permettant que les poils ne soient pas mouillés par le breuvage quelconque, là, ont été inventés. Et au début des années 1900, il y a plusieurs héros hollywoodiens qui portaient la moustache, comme Charlie Chaplin. Lui qui avait sa petite moustache un peu à la toothbrush, là, qu'on dit. Ouais, aussi. À la Hitler. À la Hitler. Ouais. Groucho Marx, donc lui qui avait plutôt des sourcils et une moustache qui était très, très épais. Oui. Et Clark Gable qui avait plus le style raffiné. Là. Lui, c'était vraiment la petite moustache très petite, là, avec la ligne entre les deux. Là, Mon Dieu, oui, le petit espace. Donc, qu'on a vu revenir dans les dernières années, quand la moustache est revenue beaucoup à la mode, tous les styles de moustache sont revenus. Par le temps que la Première Guerre mondiale éclate, la moustache était protocolaire au sein des forces américaines et britanniques. Les GI américains gardaient la leur petite et soignée pour que les masques à gaz puissent bien adhérer à leur visage, alors que les Britanniques aimaient plutôt le style très fourni comme la handlebar. Ils voulaient compenser pour le fait que ça avait été banni par le passé. Oui, exactement. Ils se sont repris. Et d'ailleurs, au sein de l'armée britannique, il y avait une question de rang avec la façon dont ta moustache était entretenue. OK. Donc, les officiers la portaient cirée et pointue. Donc, look un peu watch out, je vais te crever les yeux si tu fais pas ce que je te dis. Tandis que l'infanterie la portait broussailleuse et tombante. Donc, quand même. Après la Deuxième Guerre mondiale, la moustache en Amérique s'est tranquillement évanouie à cause d'un personnage terrible de la Deuxième Guerre mondiale. Ah? Ah oui, hein? Ben, c'est qui? Vous l'avez nommé tantôt. Hitler. Ben oui. Donc voilà, alors on pense que puisque Hitler portait la moustache, puis ça avait vraiment un fort impact, hein? Là, ouais, c'est ça, négatif. Alors, la moustache est tombée du côté de l'Amérique. Par contre, en Europe, il y avait Salvador Dali et Albert Einstein qui portaient la moustache. Donc, en Europe, eux autres, ils se sont dit, ça n'a pas rapport avec la personne. On la porte quand même. Le mouvement hippie des années 1960 a fait revenir la moustache en Amérique avec la moustache un peu plus tombante et relaxe là, qu'on connaît des hippies. Signe de rébellion contre la culture qui était bien rasée. Soignée. Bien soignée. Et en 1970, on a repris le look un peu tough guy avec Burt Reynolds et Robert Redford qui étaient plus à l'écran. Donc, à la fin des années 70, presque tout le monde portait la moustache. Tom Selleck dans Magnum P.I. Ben, ça s'en venait. Ah, ça s'en vient. Hein? Ça s'en vient. Donc, quand l'air du disco s'est évanoui, donc la moustache a presque disparu, mais dans les années 80, justement, avec Tom Selleck dans Magnum P.I., plus particulièrement en 1988, ben, c'est revenu. Alors, voilà pour une petite histoire de la moustache. Wow. Anecdote. Pas obligé de ramener tout ça, hein, tu sais, la moustache, pas obligé de ramener ça. Tout seul, je parle. Ben! Ah ouais? Je sais pas, il y en a à qui ça fait bien. OK. Ah oui. OK. Ça dépend des gars, par exemple. Ouais, c'est ça. Ça dépend comment ils poussent naturellement. Ouais. Hein. Exactement. Si t'as l'air d'avoir un petit duvet, là, puis que t'as 32 ans. Non. Une anecdote par rapport aux moustaches de 1995, de 85 à 1994, il y a un joueur de cricket, on connaît ça, cricket, ben oui. C'est notre sport préféré, de l'équipe nationale australienne qui s'appelle Merv Hughes. Qui portait une énorme moustache qui était sa marque de commerce, en plus de mesurer 6 pieds 4. Et bon, la joueur, moustache! La moustache! Un joueur de cricket qu'on ne pouvait pas manquer. Ouais. Donc, il a assuré sa moustache pour une valeur de 370 000 $. Hein? Ben voyons, on ne donne même pas un chiffron. Hein? Ben là, c'était ça. C'est pas Justin Bieber au début de sa carrière qui avait fait assurer sa coupe de cheveux aussi? Ça se peut. Oui, ouais, je ne sais point. Je lui, ne sais il, point. Il y a du bon jugement. Il s'est fait des dreads récemment. Lui. Oh mon Dieu, j'ai pas vu ça. Mais pendant que je vous parle d'assurance de moustache, ben je vous parlais d'assurance corporelle. Oui, ouais. Faire assurer quoi, une partie du corps? Ben alors voilà, partie du corps assurée les plus étranges. Ah oui. Donc, je vais vous donner quelques personnalités connues, plus ou moins connues, qui se sont fait assurer des parties du corps pour des sommes assez impressionnantes. Alors, quand tu n'as pas coupé tes cheveux depuis une décennie par respect ou vénération pour tes ancêtres samoans, donc de l'île de Samoa, un état indépendant de la Polynésie, ben ta crinière pourrait peut-être avoir quelques valeurs mystiques. Alors, il y a le joueur de football, le Troy Polamalu, que vous avez peut-être vu dans les pubs de Head & Shoulders, celui qui a les gros cheveux frisés. Oui, là. Ben oui, ben oui. Donc, en 2010, ça remonte là, quand même, il a fait assurer, en fait, puisqu'il était un des représentants de Head & Shoulders, la compagnie a assuré sa chevelure pour $1 million. Et là, là, ouais, quand même. C'est un chiffron, ça. Mais ça devait être justement pour pas qu'il puisse les couper. Ah, peut-être. Ouais, oui, il n'y a pas le droit. C'était peut-être plutôt des règles. Une playmate brésilienne, Susana Alves, a assuré ses genoux, ses chevilles et son popotin pour $2 million. Mais pas ses jambes, c'est correct. C'est juste ses genoux, ses chevilles et ses fesses. C'est ça. Ouais, mais tu sais, genoux, chevilles... Articulations. Les articulations, là. Mais pourquoi pas juste assurer ton bas du corps? Ah, faudrait lui poser la question. On ne sait pas, mais peut-être qu'elle faisait des pubs, tu sais, de genoux, ben oui, c'est cool. De genoux, moi, ouais, je sais pas. Des petits bas aux chevilles. Ah oui, ça doit appeler même la fille. Ben oui, c'est ça. Le centerfold, c'est juste ses jambes, ses chevilles. Comme elle a fait ça, elle, ça a fait que les assurances pour le popotin sont devenues très, très populaires et qui portent le nom de Bum Bum Policies au Brésil, plus particulièrement. Mais j'en profite pour rectifier un mythe. Il est faux que J-Lo aurait assuré son propre derrière pour 27 millions. Ça, c'est faux. C'est faux, ça. Donc, ça avait fait les manchettes là, il y a quelques années, mais c'est pas vrai. Bon. David Beckham. Ben oui, ben oui. En 2006, il a pris une assurance autour de 195 millions. Alors, tellement gros, hein, c'est la plus grosse assurance dans l'histoire des sports, là, qu'on pense que plusieurs compagnies se seraient mis ensemble là, pour pouvoir payer, pour payer là, si jamais il arrivait quelque chose. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça couvrait? C'est pas son visage. Ah ouais, j'aurais dit son pied, quelque chose. Ben, vous avez tous les deux raisons. Ah, oh. Oui. Donc, comme il fait des pubs pour son look, donc il était couvert contre la défiguration. Et aussi, ben, comme c'est un joueur de soccer, jambes, pieds, orteils. Mais c'est je sais pas s'il l'est encore, par contre, vu qu'il joue plus au soccer. David Beckham. Mais c'était en 2006. Ouais, c'est ça. Et comment est-ce qu'ils ont accepté d'assurer son pied alors que son pied est ce qu'ils utilisent le plus? Ben c'est justement, tu penses que les joueurs de hockey sont pas assurés sur leur corps? Ah ouais? Non, je sais pas. Justement. Ouais, c'est un joueur de guide, il peut assurer sa main. C'est pour ça que c'est cher. Mm-hmm. J'imagine des grosses assurances. C'est quelque chose, hein? 195 millions de dollars. Ouais, mais c'était David Beckham, c'était... David Beckham au soccer. Le David Beckham. C'est ça. Et oui. Mm-hmm. Donc, il y a eu beaucoup de commentaires par la suite qui disaient « Dommage que l'assurance n'ait pas couvert les dommages causés par le temps ou par la paternité. Oh. » Moi, je trouve qu'il n'est pas trop défiguré. Excusez-moi, mais si mon père avait l'air de David Beckham, ce serait une autre histoire. Hey, ça, c'est un commentaire à la Trump. Hein? Non. Si ma fille n'était pas ma fille, en tout cas... Oh, watch out! Non, mais ce que je veux dire, c'est que qui peut, genre, chialer sur le fait qu'il soit devenu père quand il a l'air de ça? Tu sais, c'est un modèle pour tous les pères. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, mon père fait au gym grâce à lui. Non, c'est pas vrai. Ah. C'est zéro vrai. Donc, voilà pour David Beckham. Suivant ses traces, Cristiano Ronaldo du Real Madrid a pris une police, lui, pour ses jambes aussi, de 144 millions. Fait qu'on n'est pas loin de 195, ouais. 50 millions près. Là, c'est pas grave. Je pense que lui aussi, aujourd'hui, il est assuré pour son visage puisqu'il est... fait beaucoup de publicité maintenant. Ah, ça se peut. Dolly Parton. On sait pas trop. C'est ça. Ben oui. Sa voix. C'est Dolly Parton qui porte du 40 double D quand même. Naturel, donc, chacun de ses attributs féminins vaut 300 000 $ chaque. Holy moly! Donc, voilà pour Dolly Parton. Un qu'on connaît moins, Egon Rooney. Donc, c'est un distingué critique culinaire et restaurateur qui est décédé en 2010. Qui a fait son nom, surtout en Grande-Bretagne. On le connaît moins, mais c'est dans les trucs inusités là, d'assurance corporelle. Il a assuré, lui, comme il était restaurateur et critique culinaire, ses papilles gustatives pour 425 000 $ Quand même. Tu sais, comment tu fais pour prouver après ça que tes papilles gustatives ont été... Ben, si, ils brûlent. Mettons, tu goûtes quelque chose dans un restaurant, c'est ça crame. Ah, je ne goûte plus rien! Non, c'est ça, c'est vraiment niaiseux, là, parce que les personnes qui l'ont assuré, je sais pas s'ils ont... Parce que quand tu te brûles, les papilles, ils se renouvellent. Ouais. Ça prend 8 à 10 jours, puis ils se renouvellent. Tu sais, je veux dire, une cheville, tu le vois, elle est cassée. Tu peux faire des radiographies. Est-ce que tu peux faire des radiographies de la langue? Je ne sais pas, peut-être. C'est sûr que si tu coupes... Mais lui, ça venait peut-être juste approuver tout ce qu'il disait dans ses revues. Tu sais, mes papilles gustatives, il y a quelqu'un qui les a assurés. Fait que j'ai raison. Exactement. Je les aime bien. Mais bon. Bruce Springsteen a assuré sa voix avec la firme Lloyd's de Londres pour 6 millions de $ Alors, s'il ne peut plus chanter Dancing in the Dark, elle ne sera pas trop dans le trou. Non, ça ne le dérangeait pas, même. Quand non, même. Correct. Non, ouais. Finalement, on a parlé de guitare tantôt, Jeff Beck. Il y a eu un accident en 2010, lui, pauvre petit, il coupait des carottes chez eux et il s'est coupé le bout de l'index droit. Carrément au complet, là. C'est le pire. C'est pas, il coupait ça des carottes? Bien, il y avait toute une hache de guerre à carottes. Donc, il y a eu plusieurs points de suture. Il a perdu quand même l'usage de sa main ou pour jouer de la guitare pendant cette semaine. Okay. Je sais pas, c'était 7 mois ou 7 semaines. Cette semaine sans musique, il a alors déclaré « Oh dear, that's the end of me ». Hein? Alors là, il a décidé que ses doigts étaient bien trop importants, alors il a pris une police $1 million pour chacun de ses doigts. Chacun? Wow! Okay. Alors, ça fait 10 millions, hein? Jeff Beck, mais une chance, hein? C'est même fait de la doigt, bonne je veux dire, sûrement que le petit doigt n'est pas aussi important quand je joue la guitare, je sais pas. Pardon? Je sais pas, non? L'es-tu? Ben oui. Oui? Oui. Ah, j'avoue, ton la main gauche, est vraiment très important. Tania nous remet ça là. Alors voilà pour les polices d'assurance inusitées. On va continuer sur le thème de la bouffe. Hein? Tu parlais de chocolat tantôt. Pizza, garniture à pizza. Alors, 10 pays dans le monde et les garnitures qu'ils préfèrent mettre sur leur pizza. Selon vous, en Inde, qu'est-ce qu'on met sur notre pizza? Du curry. Du poulet au beurre. Poulet au beurre. Ah! Ouais, c'est bon ça. Alors, gingembre même mariné, mouton haché et du panir. Panir qui est du fromage frais non affiné. Ah, OK. Alors, voilà pour l'aide. La Russie, je vais vous le dire parce que c'est la vraiment... vodka. L'alcool, c'est ça. C'est ça. Ça ressemble à vodka, mais c'est de la mokba. Alors, mokba, pour ceux qui n'aiment pas le poisson, bouchez-vous les oreilles, c'est assez spécial. Combinaison de sardines, de thon, de maquereau, de saumon et d'oignon. Et le tout agrémenté de hareng rouge. Okay. Alors, c'est ça. Le lendemain de veille, ça replace peut-être. Ouais. Ou non, peut-être pas du tout. Pas tout. Ça fait sortir le méchant. Au Brésil, ça m'a vraiment étonnée. Au Brésil. Je sais pas. Il y a rien qui me vient. Ouais, moi j'irais avec des épices. Ouais. Ah, c'est vraiment spécial, c'est des pois verts. Ah ouais. Tania, t'aimes ça? Tu mets un extra pois vert sur tes Mais là, attends, là, on dirait que je vais tester. La pizza avec des pois verts, quand même. Okay. Au Japon? Du poisson. Ouais, du poisson. J'aime ça, des algues. Ça. Ouais. Ben, anguille, en fait. J'avais anguille, calmar. Okay. Ouais. Et mayonnaise Yaga, qui est mayo, patate et bacon. Oh, miam! Donc, la mayo, c'est tapide. Bon. Ben oui, pourquoi pas? Ouais. Sur les frites, c'est pas bon. C'est hey. Des goûts bizarres. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir, mais en tout cas. En France? Du foie gras. Du pain baguette à la place d'une pâte à pizza. Ben, en fait, c'est plutôt qu'il remplace la sauce. Donc, par une béchamel. Ah, ben oui. Tout ça, donc crème fraîche. Et ils mettent ce qu'on appelle un flambé dessus, qui est bacon, oignon, crème fraîche. Miam. Bacon, oignon, ça vient de la France, je savais pas. Non, mais ça vient dessus, pas de la France, mais ils appellent ça comme ça. Ok. Ils mettent ça. Je pensais que la pizza bacon oignon, ça aurait peut-être. Tu rappelles la canadienne. Ben non, hein? C'est leur ingrédient préféré. Au Pakistan, moins évident. Là. Ah, Pakistan. Je manque d'imagination. Ouais, mais t'as dit le curry tantôt. Ouais. Non. Je suis pas certaine. Là. Falloir que je cache mes feuilles, je pense, parce que là, j'ai des doutes. Curry. Eh oui. C'est vrai? Oh, damn! Pakistan, tu sais. Curry. OK. Ben ouais. En tout cas. c'est utilisé beaucoup dans la nourriture pakistanaise. Mais ça doit être bon. Ben oui, c'est sûr. Oui. En Australie. Ah. Du kangourou. Oui. Non, c'est pas vrai. Ils sont surveillés, les kangourous, là-bas, il me semble. Oui. Des avocats. Des avocats? Ah ouais. Ils aiment beaucoup les avocats sur des toasts. Moi, j'ai écouté Ça va chauffer, Australie, là, puis il y a du... Oh mon Dieu, ben c'est une sorte de poisson, mais le nom me vient pas là. C'est simple, crevette, ananas et sauce barbecue. Crevette, ananas et sauce barbecue. La hawaïenne mais, au poisson. Ouais, c'est ça, la hawaïenne revisitée. Pimpé, ouais. Ben ça doit être bon, moi j'aimerais vraiment, ça, essayer ça. Au Costa Rica. Ah. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au Costa Rica? C'est pas des piments forts? J'ai rien. Non. Faudrait que je demande à mon ami qui reste là. Ouais. Du coconut! Oh! Ah, ouais! Ouais, du coconut! Ah, c'est bizarre, okay. Ça, par avec le reste normal? Ouais. C'est du ouais, ça dépend, là, mais ouais, c'est un ingrédient qu'ils aiment bien mettre sur leur pizza. J'aime deux derniers. Aux Pays-Bas, là, c'est plus une recette, donc je vais vous la donner, celle-là. Okay. Ils mettent sur leur pizza ce qu'ils appellent le double Dutch, qui est double viande, double fromage et double oignon. Ta boy! J'approuve. Fais des grosses pizzas? Ouais. T'sais, parce que comme ça, tu restes au chaud plus longtemps. Très bon. En Suède. En Suède. Quelque chose de froid, genre, je sais pas, non? Attends, le Costa Rica, c'était le coconut, fait que j'ai avec du chocolat, je sais pas. Ah, ben oui, du chocolat, ben oui. Ouais. La viande de kebab, okay. Avec les brochettes, le mariné, ouais. Okay. Ou, bizarre, c'est qu'ils aiment bien la pizza africaine, qui est banane, ananas et poulet. Mais ça doit être banane plantain. Là, ouais, sûrement. Ça doit pas être de la banane sucrée, là, mais... C'est bizarre, ça. J'ai dit, c'est la ouais, c'est ça. Celle-là, je suis comme... Ah, ouais? Moi? Ah. Moi, l'Australie, le Japon... Peut-être la France, là, le flambé, bacon, oignon, sauce béchamel. C'est sûr, j'essaye pas la Russie, par exemple. Ah, ouais, l'affaire des méga poissons. Ah, non, j'essaierai quand même. Hein? Faut donner une chance. Ouais, c'est vrai, c'est ça qui est le fun. Les gens sont trop traditionnels. Ils vont dans un restaurant de poutine fancy et ils demandent une poutine normale. Là. Hey, là! Franchement. Tu parles d'une. Ben là, c'est parce que ça dépend, là. One minute, là. Quoi? C'est pas parce que tout le monde autour de toi veut une petite poutine fancy que t'es obligé de vouloir une poutine fancy. Non, mais si tu veux pas une poutine fancy, va pas là. Mais tu veux être avec tes amis. Ok, j'aime. Oh, bon. Tu peux aimer les classiques pareil. T'as raison. Passons. Alors, pourquoi les publicités pourraient-elles nous rendre plus heureux? Mise en situation. Imaginez que vous faites faire un bon massage. Mm-hmm. Hein, puis là, on est rendu là, dans les coudes en profondeur au niveau de votre colonne vertébrale. Et là, le masseur ou le massothérapeute, en fait, pour être correct, vous demande « Voulez-vous une petite pause? » Voulez-vous une petite pause? Une petite pause. En plein milieu de votre massage. Est-ce que vous prenez la pause ou vous ne prenez pas la pause? Je ne prendrai pas la pause... Sauf si c'est une pause pour me donner, genre, t'sais, un morceau de chocolat ou quelque chose comme ça. T'sais. Moi, je prendrais la pause parce que j'aurais l'impression que c'est parce qu'il en donne trop à mes muscles. Ah, peut-être. Il faudrait que tu te calmes un petit peu pour pouvoir recommencer. Je sais pas, non, je suis genre à pas prendre de pause là-dessus. Muscles en délogie, c'est juste une petite mise en situation. Là, je continue. Alors, il y a une étude qui a été faite à l'Université de Berkeley en Californie pour interrompre une expérience plaisante et voir si ça pouvait accroître notre plaisir. Donc, c'est pas lié à la douleur ou à arrêter parce les muscles en délogie. Oui, plus dans ce sens-là. Alors, une cinquantaine d'étudiants qui ont été recrutés pour tester, leur disait-on, un nouveau fauteuil massant. Donc, comme on est au cinéma des fois, puis je me dis tout le temps, hey, c'est vrai que j'essaye ça à un moment donné. Donc, ils ont demandé d'abord aux étudiants si ça leur tentait d'avoir le 3 minutes de massage en continu ou un 3 minutes de massage avec un 20 secondes de pause en plein milieu à peu près. Donc, 73 % des étudiants voulaient le massage en continu plutôt qu'avec l'interruption. Mais quand ils ont eu, puis après, ben on leur faisait vivre l'expérience sans tenir compte de leurs préférences. Ça, c'était aléatoire, ils l'avaient ou pas, là, la pause. Et après coup, ils se sont rendus compte que ceux qui avaient eu une pause avaient apprécié davantage leur expérience et seraient même prêts à payer plus pour la revivre. Pour vrai? Ouais. C'est bizarre, ça. Mais j'avoue que l'expérience est plus longue si t'as une pause entre les deux. T'as l'impression d'en avoir eu plus longtemps. Oui. Pour ton argent. Ah ouais, peut-être à cause de ça. Parce que ta pause fait partie en même temps. Est-ce que tu te lèves, tu vas marcher? Non, tu restes sûrement assis sur le fauteuil. 20 secondes. C'est... Aha, c'est pas énorme. On l'a fait dans un autre genre, avec 87 étudiants auxquels on faisait regarder un épisode de télé comique qui était soit en version télé avec les pubs et tout ça, ou en version DVD sans pub. Et ceux qui avaient eu les pubs encore là, avaient préféré regarder l'épisode que ceux qui n'avaient pas eu de pub. Ça, je suis vraiment surpris parce qu'il y a rien de pire que d'interrompre l'action d'une émission par une pub. J'imagine que ça dépend quel genre d'émission tu regardes, par contre. Peut-être parce que tu ris trop, t'as mal aux joues, faut que t'arrêtes un petit peu, regarder des pubs de char. Je sais pas. Je comprends pas, moi. Ça dépend pourquoi. Mais pourquoi, d'abord, que ça a créé ça quand même dans ces deux études? Alors, c'est parce que les interruptions, que ce soit dans les massages, les pubs, les films ou les séries télé, viennent ralentir ce qu'on appelle le processus d'adaptation hédonique, qui est notre tendance à nous habituer très rapidement aux expériences vécues. Donc, en fait, si on est très énervé à l'idée de regarder le prochain épisode de notre série télé, dès le départ, quand on commence à la regarder, on est encore très énervé. Mais comme la série continue, ou l'épisode continue, on devient comme habitué, puis on tombe dedans, puis là, on est accaparé. Mais s'il y a une pause, notre niveau d'excitation remonte, et quand on recommence, on est encore tout énervé de continuer à regarder notre épisode de série qu'on aimait. Peut-être, donc, ça fait remonter. Les... Oui, une pause entre les épisodes serait probablement mieux qu'une pause pendant les épisodes. Oui, c'est ça. Okay. Ça dépend de chacun. Il y en a qui vont faire autre chose aussi pendant les pauses. Mm-hmm. Donc, ça pourrait rendre plus heureux, mais c'est sûr que ça, c'est personnel aussi. Voilà. Le saviez-vous? La même personne qui a inventé le personnage de bande dessinée Wonder Woman en 1941... Ouais, ça date quand même Wonder Woman, vraiment. Beaucoup de super-héros qui ont été inventés dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, a aussi inventé le polygraphe. Ben voyons donc. Et oui, quand ça même. Le détecteur de mensonges. Détecteur de mensonges. Alors c'est William Moulton Marston, dit Charles Moulton. Ben oui, voyons. Chuck. C'est quelque chose. Qui est né le 9 mai 1893 au Massachusetts. C'est mort le 2 mai 1947 à New York, qui est un psychologue, inventeur et écrivain américain. En 1922, il a créé le test de pression sanguine systolique qui amena la création du fameux polygraphe détecteur de mensonges un peu plus tard. Il utilise son invention dans des procès, mais aussi pour une publicité pour Gillette, comme quoi c'est vraiment... sans mentir, le meilleur rasoir qui existe. Ah, mon Dieu! Étrange! Il a aussi inventé la théorie du comportement humain DISC, qui est Dominance, Influence, Steadiness and Compliance, qu'on a traduit en français par dispositif d'ingénierie socio-cognitive. OK. C'est quoi le rapport? Non. Et lui, il est convaincu que les femmes sont plus honnêtes et plus fiables. Clairement. Et qu'elles peuvent travailler avec plus de rapidité et de précision que les hommes. Et j'suis son d'accord. test de polygraphe de pression sanguine le conforte dans cette idée. Ah, tu vois, c'est pas moi qui le dis, c'est le polygraphe. C'est correct. Alors, lui, ce qu'il voulait faire, en fait, c'est que dans les années 20, les femmes n'avaient pas le droit d'être jury. Non, c'est vrai. Dans des cours aux États-Unis. Alors, lui et sa femme, ils ont fait une campagne dans plusieurs États, en fait, dans 31 États américains, pour que, puisqu'il a découvert ça, les femmes soient introduites dans les jurys. Donc, c'était pour ça là, qu'il voulait mettre ça de l'avant. Un bon gosse, hein? Un bon féministe. Quand même intéressant. Mm-hmm. Alors, tu sais, il y a bon féministe qui a créé Wonder Woman. Ouais. Ça a du sens quand même. Le film le plus là, on féministe voit le lien années, là, quand même, tu sais, entre Polygraphe, les femmes sont plus fiables et Wonder Woman. Donc, on voit Wonder Woman d'une autre façon. Tout à fait. Maintenant. On l'aimait déjà, on l'aime encore plus. Pour terminer. Je me suis bien fait rire moi-même. Okay, bon. en inventant, en collant ensemble ces fast facts. Ouh. Là, j'aime bien ça. La ronde est claire. Fait, là. Et c'est en les choisissant, quand je les ai relus par après, je me suis dit, oh my god, il y a tellement de liens entre ces trois petits faits-là. C'est très drôle. Alors, le premier est un peu dégueu. Les compagnies aériennes aux États-Unis achètent environ 20 millions de sacs pour vomir dans les avions. Ah, j'en doute pas. C'est normal. Donc, ouais. 20 millions de sacs par année. Juste c'est à y penser, j'ai quand même... Pas rien. Puis quand on est malade, ben on peut manger du Jello. Mm-hmm. Ben oui, clairement. Fait que ça, c'est lié vers mon... Même si on n'est pas malade, on peut manger du Jello. Oui, les personnes âgées et Tania. C'est la public site du Jello. Hey, perdez pas mon lien, là. Alors ça, c'est le lien vers le Jello, donc, qui a essayé de commercialiser, mais qui pourrait vous rendre encore malade. Un Jello au céleri. Ouais. Arc. Ouais. Fait que je suis pas sûr que le Jello au céleri nous aiderait à ne plus remplir les petits sacs. Quoique, avec le fait que leurs saveurs goûtent jamais ce qu'ils sont supposés. Hein? Ouais, pour vrai. Moi, je trouve que t'achètes tes Jello. C'est bon. Hey, là, hey! Ok, alors, excuse-moi. Okay. Ils ont aussi essayé le café et le cola avec aussi peu de succès. Et pour terminer, n'essayez pas de manger de la dynamite si vous êtes allergique aux noix, puisque la dynamite peut contenir des traces d'arachide. Ah! Oh mon Dieu. Ben oui, pourquoi pas? Des traces d'arachide. Pensez-y, ben oui. C'est dans la même usine. C'est ça, exactement. C'est le Acme d'un bord, Corporation. D'un bord, il y a de la TNT, l'autre bord, il y a des bars au plein air. C'est là qu'il magasinait le Coyote dans... C'est ça, exactement. Les Twix sont faites à côté, c'est pour ça. C'est ça, oui. C'est ça. Juste la Twix gauche. Oui, oui. Y a-t-il des arachides dans Twix, non? Non, je sais pas. Non. Non. Non. Ben, sûrement qu'il peut en avoir. Probablement. Ça doit contenir des traces de... C'est ça. Mars, Snickers, n'importe quoi d'autre, là. Wow. C'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit. Wonder Bar. OK. C'est pas le même gars qui a créé Wonder Woman que Wonder Bra. Non. Bon. Et Wonder Bar. Et la Wonder Bar. C'est bon, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de Wonder Bar. C'est vraiment sucré, ça. C'est bon. C'est bon. Et ça, il y a des peanuts dedans. Sweet Mary, c'était bon, ça. Mais oui, il y a des peanuts dans Wonder Bar, non? Je sais pas. Mais ils mettent tellement d'affaires que c'est fini par plus goûter. Mais là, je dis ça tantôt, puis tu me disais que le Jello goûte vraiment les fraises. Ah oui, fraises. On peut revenir au Jello, là. Oui, ben oui. Jello, mais Jello goûte pas les fraises. Le Jello, les fraises, ça goûte les pêches. Mais ça dépend quelle marque tu prends, Mathieu. Ben Jello, pourtant, là. Ah ben là. Je sais pas, il me semble que ça goûte comme... Ça dépend depuis combien d'années t'as ta boîte dans ton corps. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, il y a peut-être une date d'expiration aussi à ta boîte. Il faudrait que tu vérifies. Et à chaque fois que je l'achète, je le fais jamais. Ben, c'est pareil, moi aussi. Bon. J'ai des boîtes à Jello, faut que tu checkes la date aussi, parce que je suis comme... Puis tu fais comme, ok, bon, je vais l'acheter. Merci, Véronique Mire. Ben, ça me fait plaisir. On apprend tellement de choses, on se sent vraiment intelligent après t'avoir écouté. Ah ben, tant mieux. Merci, à dans deux semaines. Oui. Pour notre chronique de la Véronique Lopédie. On est rendu exactement au moment où on prend une pause. Hein? Mm-hmm. Et après ça, on va continuer l'émission avec la chronique de Tania plus tard. Oh, d'accord. Et Stéphanie Paradis va être là aussi. Ben oui, certainement. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage pour toi aujourd'hui. Qui en ce jeudi 7 décembre 2017, elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui, tu places tes cheveux, c'est quoi? Ben, je sais pas, j'ai comme une couette qui me revole dans l'œil. J'avoue, pour nos caméras, faut que tu sois bien placé. Ah non, c'est juste pour la rétine, en fait. OK, pour voir. Exactement. Ce que tu vas nous dire dans ta chronique. Tout à fait. Tout à l'heure, qu'est-ce qui s'en vient dans Tania's Good Entertainment déjà? Ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, on parle un petit peu de partie de bureau. On va aussi parler de bouffe du temps des fêtes. Oh, miam. OK, oui. Mais avant ça, on écoute l'Impératrice. Voici Erreur 404 sur le palmarès francophone. Dun frappé en sens inverse. Pieds nus sur la voie lactée de cette nuit désenchantée. Mon silence éclaire. Impératrice avec erreur 404 ce matin dans l'assemblage rugby. Ok, oui, et maintenant c'est le blog des palmarès, ça c'est fou! C'est donc le moment d'aller rendre visite au palmarès. C'est fou et comme on le fait à chaque fois, on a un petit bloc thématique sur les palmarès, que ce soit une chronique du passé, du présent ou du futur. Là, on va être dans le présent, mais en ce moment même, parce qu'on va voir si les numéros 1 de la semaine passée, qu'on a entendu hier, sont toujours au sommet là. On rappelle, pour ceux qui n'étaient pas avec nous la dernière fois, que Gasoline et Busty and the Bass étaient en première place la semaine dernière. C'est vrai, la semaine dernière. Et là, on est la semaine du 4 au 10 décembre, donc on va entendre nos numéros 1. Et puis, on va les découvrir ensemble pour voir après ça si c'est ce que je viens de dire que c'était. D'accord. Première position. Ha-ha! J'ai rendez-vous avec le soleil. Si j'arrive à l'heure, il m'offrira son dernier regard. Dernier élan, son grand déploiement. J'ai rendez-vous avec le soleil. Presque à la même heure, je le reçois. les numéros 1 de nos palmarès, c'est fou, pour cette semaine du 4 au 10 décembre 2017. On vient d'entendre Dyslexic Postcards avec Don't Call Me Babe sur l'album du même nom qui est le numéro 1 anglophone. Et en francophone, c'était Mara Tremblay avec la pièce Avec le soleil sur l'album Cassiopée. Donc, Gasoline et Busty and the Bass ont perdu leur première place. Point, point, point. Désolé pour eux. On s'excuse. Ben oui, c'est pas notre faute. Et voilà. C'est la faute des animateurs de C'est fou. Voilà. C'est eux qui décident. C'est comme ça que ça se passe. Pour le numéro 1, on fait le bloc des palmarès C'est fou une fois de temps en temps, car ça donne entre deux autres affaires. Mm-hmm. Justement, parlant d'une affaire, t'es une pas pire affaire, toi, côté tes chroniques sont vraiment bonnes. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Je sais pas non plus, hein. Tu fais bien les affaires, c'est ça que ça veut dire. Merci, merci. C'est pas mal d'affaires. D'accord. Ça te va, ça? Oui. Alors, c'est Tania Is Gonna Entertain Ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Aujourd'hui, on parle des fêtes. Oui, certainement, parce que, bon, en temps normal, le jeudi, je fais le retour sur l'actualité, mais les dernières chroniques que j'ai faites cette semaine étaient quand même plus sérieuses, si on se rappelle. Mm-hmm. Je parlais d'environnement, ce genre de choses. Changement climatique. Changement climatique, voilà. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, on va prendre ça relax. Et comme c'est la journée, le jeudi, où on fait une grosse pointe à l'adresse, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable et discuter de soit des parties de bureau ou des parties de famille durant le temps des fêtes. Oui. Donc, c'est un petit peu la ligne directrice que je me suis donnée pour la chronique d'aujourd'hui. On va justement discuter en partant de votre partie de bureau. Ben. Parce que, bon, vous le savez peut-être pas, mais la plupart du temps, à ce temps-ci de l'année, soit que c'est déjà fait, soit que c'est déjà organisé, Ou ça a pas lieu. Mais vous allez quand même avoir des parties avec vos amis et tout ça. Et durant le temps des fêtes, ben on veut un petit peu essayer d'éviter les faux pas, l'embarras qu'on pourrait faire durant ce genre de party-là. Et je suis tombée sur quelques conseils d'une spécialiste de l'étiquette qui est Julie Blais-Comeau, qui a donné d'excellents conseils. Alors je me suis dit pourquoi pas partager ça avec nos auditeurs ce matin. Est-ce qu'elle vient de Blais-Comeau? Non, Mathieu. Ça fait à tous les jours. Non. Donc, que vous soyez introverti ou pas, la fête la plus stressante, voire même la plus malaisante parfois, c'est celle du temps des fêtes. On ne sait pas trop comment gérer ce genre de situation-là. On ne sait pas trop comment gérer les parties de bureau aussi souvent. Donc, employés, surtout des hommes la plupart du temps, ça dépend dans quelle sphère vous travaillez, mais on ne veut pas nécessairement commettre, comme je le disais tout à l'heure, un faux pas. Mm-hmm. Ou un malaise, ouais. Tout simplement. Donc, pour éviter ce genre de situation-là, j'ai quelques conseils pour vous. En premier lieu, allez-y. OK. La décision, c'est sûr que c'est la vôtre, mais sachez que si vous déclinez l'invitation d'un party de Noël, vous allez être marqué par votre absence et ça peut nuire aussi à votre réputation. Oui, et ça t'empêche aussi de vivre ta vie, je veux dire. Ça t'empêche de vivre ta vie et ça va peut-être t'empêcher aussi de mieux connaître tes collègues de travail. Donc, ouais. Le mot-clé dans un party de bureau, c'est quoi? Communication... Bureau. Ah, oui, donc que ce soit votre employeur ou vos amis ou peu importe, on investit du temps et aussi de l'argent pour qu'on puisse célébrer avec toute l'équipe, avec tout le monde autour de nous. Donc, ne pas se pointer au party de bureau, c'est un petit peu perçu comme un désengagement. Oui. Faites pas ça, tu sais, tout le monde... autre que vous, va y aller. Vous allez être la seule personne qui ne va pas y aller. Là, on s'entend, à moins que vous ayez une immense bonne raison de ne pas aller à votre partie de bureau. La plupart du temps, on veut vous y voir. Faites vos devoirs de conversation aussi. Informez-vous. Tu vois, j'avais dit communication. Exactement. Il faut éviter les malaises. Il faut éviter aussi les petites conversations. Ce qu'on pourrait dire en anglais, là, les small talk. Il fait beau dehors, les Canadiens, je ne sais pas quoi. Il faut se préparer une espèce de conversation entre collègues qu'on va avoir à discuter, mais tout en gardant en tête qu'on veut du plaisir, premièrement. Ah oui. Et deuxièmement, on veut éviter aussi les conversations sur le travail. Ça, c'est vrai. C'est, oui. C'est pas le moment, tu sais, un party de bureau là, c'est pas le moment de poser des questions à votre patron sur le projet sur lequel vous travaillez, ni de vendre vos mérites pour une promotion. On veut pas de potin non plus, quoique c'est sûr que ça va sortir dans les parties de bureau, mais parlez pas dans le dos de personne, présent ou absent, parce que c'est sûr et certain que ça va ressortir par la suite. Donc, il faut pas critiquer parce que ça pourrait être des paroles qui vont vous hanter au retour des fêtes. Gardez ça en tête, il faut garder la conversation positive. Léger. C'est ça. Il faut répandre la joie et il faut voir ça comme une activité de réseautage intra-entreprise. Donc, on veut mieux connaître nos collègues, on veut avoir du fun avec eux. C'est peut-être le temps aussi de les connaître un petit peu plus personnellement au lieu de les connaître simplement dans le cadre du travail. Donc, il faut prendre le temps de vous remémorer les bons coups que vous avez faits avec vos collègues ou encore avec vos coéquipiers, tout dépendant de quel type de party de Noël dont on parle. Il faut s'habiller aussi pour rayonner, mais... faut pas être le sapin de Noël. Non, tu veux pas être la personne qui remarque, qu'on remarque le plus, là. Exactement. Il faut suivre le code vestimentaire, bien évidemment, indiqué sur l'invitation. La plupart du temps, il va y en avoir une. S'il y en a pas, allez-y avec un petit guide sensible et normal. Donc, faites vos choix vestimentaires de façon judicieuse, en lien avec votre rôle dans la compagnie, avec vos valeurs et celles de votre employeur, celles de votre compagnie aussi. On s'entend, si vous travaillez dans un gros bureau, c'est pas le temps d'aller se mettre des jogging, là. C'est un petit peu dans ce guide-là. Si vous êtes à compétitionner avec l'arbre de Noël, c'est que peut-être vous êtes un petit peu trop décoré. C'est ça. C'est une vision de vous qui pourrait influencer votre patron au moment d'une évaluation ou dire à vos collègues tout simplement que vous en faites toujours trop. Oui. Il faut savoir doser. Donc, dans le doute, demandez à l'organisateur ou encore au service des ressources humaines sur ce qui est approprié de porter au party de Noël. C'est sûr que la plupart du temps aussi, c'est une question de logique. On va y aller avec quelque chose de classique. Mais, tu sais, des fois, on va se poser la question, là, c'est-tu jeans ou pas jeans? C'est-tu jeans ou pantalon propre? Tu sais, ce genre de questionnement-là, bien, c'est aller à la source, poser la question, ne soyez pas gênés. Par la suite, il faut participer et boire avec modération. Ben là, j'espère. Parce que si le cœur vous en dit, bien évidemment, participez, dansez, chantez, lâchez-vous lus de ce côté-là, amusez-vous, mais gardez à l'esprit que tout ce que vous dites et faites est observé. Pour être retenu contre vous. C'est un party de bureau. Oui. Il y a les gens du bureau avec vous. Donc, c'est sûr et certain que si vous avez, par exemple, un bar ouvert, c'est une soirée bar ouvert, ça ne veut pas dire que vous devez en profiter gaiement. Ça veut pas dire que vous devez vider le bar seul à vous-même. C'est pas parce que c'est un bar ouvert qu'il faut que vous fermiez le bar. Exactement. Hein? Et il faut vous respecter votre limite. Deux verres, trois verres, quatre verres, c'est peut-être un peu trop dans un party de bureau. Okay. Il faut voir la limite parce que ce qu'il faut que vous vous rappeliez, c'est que si vous vous rappelez pas de votre soirée, peut-être que tout le monde autour de vous va se rappeler de la vôtre. Ouais, parce que peut-être que les patrons vont faire exprès pour moins boire pour se rappeler de ces affaires-là. Exactement. Donc, il faut se préparer aussi. C'est un retour à la maison, que ce soit avec Nez Rouge. Ici, en Mauricie, on a tolérance zéro, un taxi. Ce sont tous des organismes qui peuvent raccompagner votre voiture en même temps que de vous raccompagner, bien évidemment, sauf pour le taxi. Mais c'est sûr et certain que si vous vous dites « Moi, je m'en vais en auto jusqu'au party de bureau », prévoyez votre retour à la maison si vous calculez prendre autre que simplement un verre. Hydratez-vous bien aussi tout au long du party. Mangez une petite collation avant parce que bien souvent, on va manger plus tard dans un party de bureau. Donc, s'hydrater, on parle pas de boire d'alcool. On parle de boire de l'eau entre les verres d'alcool, bien évidemment. Et c'est sûr et certain qu'en compagnie de vos collègues de travail, vos collègues, peu importe, d'école ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr que le plaisir va être de plus en plus là si vous discutez et tout ça aux alentours d'un verre. Il faut valider ce qu'on fait aussi avant de dire cheese. Et là, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ouais, non. Soyez présent dans le moment. OK. Votre téléphone cellulaire. Lâchez-le. Mettez-le en veille. Ouais. Pour éviter la tentation là, de vérifier vos textos. Les vraies connexions, en fait, dans un party de bureau, ça se passe dans le party de bureau. Vous n'êtes pas obligé de texter votre chum ou votre blonde aux 3 secondes quand que la personne n'a pas été invitée à votre party de bureau parce qu'elle ne fait pas partie de la compagnie. Il faut savoir aussi demander la permission avant d'immortaliser une scène. Mmh. Si vous n'êtes pas en état d'ébriété, puis que ça va bien, mais que votre collègue de travail est en état d'ébriété, puis que vous ne lui demandez pas la permission avant de prendre une photo, Ben, elle veut peut-être pas que la photo se ramasse sur Facebook et ouais. que la population au grand complet comprenne qu'elle était saoule à son parti de bureau. En même temps, au moins, le boss le sait déjà. Oui, exactement. Mais tout le monde ne souhaite pas nécessairement être sur Instagram. Ouais. Ne veulent pas nécessairement être sur Facebook. Ne veulent pas nécessairement être tweetés ou tagués. Donc, posez la question. Dites fromage avec prudence ou cheese, OK? Donc, retirez... Dites pas fromage, s'il vous plaît. Et aussi, pensez à retirer votre verre de votre main avant de prendre une photo. Ah, ben oui. Assurez-vous aussi que la caméra va bien capter vos deux mains. Comme ça, si vous mettez la photo sur Facebook ou quoi que ce soit, ça va avoir moins l'air d'un party de débauche que d'un party de bureau. Mm-hmm. Ça, on garde okay. ça. Sinon, arrivez et aussi quittez à l'heure. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, si vous préférez passer le temps possible au party, mais vous allez arriver en retard, ayez une petite pensée de tout ça, là. Il faut noter l'heure à laquelle le party est censé commencer. Faut que tu punches, c'est ça que tu veux dire? On punch au party de bureau. On punch. Arrivez à l'heure. Soyez pas le dernier à fermer la porte. Ouais. C'est ça qu'on veut dire. Soyez pas non plus le dernier à fermer la fête. Mm-hmm. Parce que pensez-y, si vous êtes le dernier à côté, sur le bord, vous allez garder cette jolie petite image de vous au retour des fêtes, ouais, au bureau. Effectivement. Hey, Roger! T'es parti, quand? Est-ce que t'es parti, finalement? C'est ça. T'as attendu à la serveuse, quelque chose, je sais pas. Donc, avant de quitter, faites une tournée pour remercier tout le monde, remercier les organisateurs de ce party-là, votre employeur, et ça va tout simplement montrer aux gens que oui, vous quittez vraiment. Parce qu'il y a des gens qui vont commencer leur petite tournée, des fois, vont s'accoter au bar. Oh, ils ont pas fini la tournée. Fait que là, ça fait qu'au retour des fêtes, les gens disent « Hey, Roger, est parti à 7 heures! » Puis l'autre fait « Ben non, t'es encore là à 11 heures! » T'sais, vous allez avoir une espèce de situation malaisante où vous savez pas à quelle heure vous êtes parti vous-même. Okay? Ouais, là, je sais pas. Le rendu là, je pense que tu viens de me perdre. Pourquoi? Je trouve ça trop compliqué. Ben non, pas tant. Je sais pas. Quand vous quittez, dites salut à tout le monde. C'est tout simplement ça. T'sais, faites pas la moitié du monde. C'est ça qu'on veut dire. Je vais plus faire un salut général. Oui, mais faut que les gens disent au revoir aussi. Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est ça l'idée. Ouais, peut-être. L'idée, c'est qu'on vous demande pas en revenant des fêtes justement à quelle heure t'es parti puis tu t'en souviens pas. OK. D'accord? Par la suite, si on y va du côté nourriture cette fois, et là, on parle pas juste du party de bureau, sachez-le, on parle d'essayer de passer au travers les fêtes en restant en santé. Mm-hmm. On le sait, le temps des fêtes, il y en a beaucoup qui vont prendre octobre, novembre pour mieux manger, pour justement pouvoir se bourrer à face rendu en décembre. Mais il y a quand même des petits trucs santé faciles pour vous aider à passer à travers le temps des fêtes. Si vous êtes de ceux dont votre famille fait un buffet incroyablement malade mental de genre 3 tables et demie à chaque partie de Noël, ça se peut qu'à la fin du temps des fêtes, vous ayez gagné un petit peu de poids sur la balance. Nous, qu'on veut que vous ayez en tête, c'est d'y aller selon vos désirs. Si tu veux te bourrer à la face, vas-y. Pas personne va te chialer après. Mais il y a des gens qui ont un petit peu plus de difficulté à garder leur idée santé à travers les fêtes. Et c'est justement pourquoi j'ai des petits trucs pour vous. En premier, c'est ayez des intentions santé. Donc, mettez noir sur blanc un petit peu vos résolutions avant que les fêtes arrivent. Est-ce que votre but, c'est de boire un petit peu moins? Est-ce que votre but, c'est de limiter votre consommation de dessert à chaque party? Est-ce que c'est de faire de l'exercice 3 fois par semaine? Selon une entraîneuse personnelle, Lindsay Treadway, bien se fixer des buts et se rappeler pourquoi vous voulez rester sur le droit chemin, c'est un petit peu la clé pour rester motivé quand vous allez vous sentir débordé, entouré de vos 14 cousins qui vont manger comme 6 parts de gâteau chaque. Donc, de ce côté-là, l'influence aussi dans les parties des fêtes, parfois, ça peut avoir l'air de rien, mais si vous avez des intentions qui sont bien claires, nettes et précises selon vous, bien, ça va aller mieux pour pouvoir les conserver. Au party, mangez l'option la plus nutritive en premier. Okay. On vous dit pas de pas manger un morceau de gâteau, on vous dit de commencer votre repas avec l'option la plus nutritive. Pour vous remplir le plus possible pour avoir moins de place pour du dessert. Exactement. Donc, au lieu de survoler le plateau de fromage là, tout de suite, bien, recherchez les options qui sont un petit peu plus santé quand vous allez arriver. Par exemple, le petit plateau de crudité, tu sais, celui-là, là, bien, vous allez justement pouvoir vous remplir au moins la moitié de votre plat avec des fruits, des légumes qui sont riches en fibres et ça devrait vous rassasier pour vous empêcher empêcher de trop manger le reste de la table. C'est ça un petit peu l'idée de garder santé aussi des petits trucs qui sont faciles. Si vous avez un plateau de crudités, bien souvent dans un buffet, vous allez avoir des céleris. Ça a l'air de rien, mais grignoter un céleri, parfois, ça peut vous remplir pendant un bon moment. On vous dit pas de pas manger. Le reste de votre plat devrait être divisé pareil. On devrait avoir un quart de protéines, un quart de grains et vous avez l'option aussi du dessert. Gardez en tête qu'il faut y avoir du plaisir pareil. C'est le temps des fêtes. Un conseil pour que vous puissiez garder une petite idée santé plus facilement durant le temps des fêtes, c'est de boire plus d'eau. Ah, oui. On le sait, le temps des fêtes, c'est rare qu'on se fait aller la bouteille d'eau. On va se faire aller pas mal plus la bouteille de bière ou la bouteille de vin. Mais traînez une bouteille d'eau réutilisable avec vous et la remplir plusieurs fois à travers la soirée ou la journée. C'est une hydratation adéquate. C'est la clé pour garder vos niveaux d'énergie tout au long de la soirée. Mais c'est aussi une bonne façon de prévenir la suralimentation. Ah. Donc, si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous allez manger dans le buffet pendant le soir, bien, conservez justement votre bouteille d'eau près de vous. Prenez-vous une petite coupe de gorgée là, avant d'aller fouiller dans le buffet justement pour vous donner une petite idée. Et la recherche aussi soutient que bon, boire deux verres d'eau avant les repas, ça peut aider à garder rassasié et à consommer moins de nourriture. Donc vous allez moins vous gaver dans ce que vous allez vouloir manger. Ça va être des doses qui vont être beaucoup plus considérables. Disons ça comme ça. Pendant le temps des fêtes, faire de l'exercice, ça peut s'avérer être difficile. OK, on va pas se le cacher, c'est vrai. Un petit conseil, c'est de faire l'exercice le matin. Au lieu de penser le faire l'après-midi, comme plusieurs peuvent le faire... Pour éliminer ça. Exactement. Organiser une session d'exercice le matin avant les distractions, avant les obligations de la journée, c'est un petit peu la clé pour s'assurer que ce soit fait. Et vous allez commencer la journée avec une séance d'exercice, donc ça aide à brûler beaucoup plus de calories à travers votre journée. Vous allez arriver au buffet le soir, oui, vous allez peut-être vouloir vous gaver dans le buffet, mais vous allez garder en tête l'option santé pareil. Donc, t'sais, vous voyez, c'est ce genre d'idée-là qui va faire en sorte que vous allez pouvoir passer au travers du temps des fêtes beaucoup plus facilement. Il faut aussi prendre une marche après le dîner ou le souper. Là, c'est sûr que si vous êtes dans un party de Noël, vous n'allez pas quitter le party de Noël pour aller faire une marche, là, on s'entend. Mais si, par exemple, vous avez une journée de congé entre deux parties de famille durant le temps des fêtes, bien, prenez le temps d'aller faire une petite marche, justement, que ce soit après le dîner ou après le souper, en après-midi ou en soirée. Parfois, ça arrive durant le temps des fêtes qu'on n'a pas de party de famille ou d'amis ou peu importe. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, hey, tu sais quoi? Je m'habille, je m'en vais marcher. Marcher minimum 30 minutes à une heure, ça va balancer votre taux de sucre dans le sang, ça va aussi stimuler votre circulation et ça va bien évidemment aider à brûler vos calories. Il faut manger avant de partir pour les parties. Bon. Sachez-le. Hein? Parce que souvent, les gens qui ont faim ont tendance à faire des mauvais choix. On a tendance à se remplir avec des aliments qui vont être transformés, des aliments qui vont être gras, qui vont être sucrés, qui vont être salés. Donc, de pain. Exactement. Puis tu soupes à 10h30 parce que... C'est ça. C'est parce que ce qui arrive dans les parties de Noël, souvent, c'est que oui, le party va commencer à, par exemple, 7h, mais vous n'allez pas manger avant 10-11h. Ouais, facilement. Prenez-vous une collation ou mangez un bon repas équilibré avant et par la suite, vous allez voir, lorsque vous allez arriver au buffet, ça va être beaucoup moins tentant de se gaver dans ce qu'il y a de tourtières du lac Saint-Jean, les gros pâtés, les grosses salades à plus finir. C'est justement une idée pour qu'on puisse avoir, par exemple, une collation santé ou une modération au niveau de notre consommation de nourriture pendant le temps des fêtes. Il faut aussi se faire des versions santé de nos recettes préférées des fêtes. Sachez-le, c'est quelque chose de possible. Il y a des milliers de recettes qui sont quand même assez ingénieuses en ligne pour des sucreries qui vont être de type santé, qui goûtent tout aussi bon que vos desserts préférés, mais qui ont seulement la moitié des calories. Le fait de changer un seul ingrédient, ça peut faire une grande différence sans nécessairement compromettre le goût de ce que vous voulez manger. Donc, essayez de remplacer, par exemple, la farine blanche par de la farine de blé est entier. Ça va substituer la moitié du gras avec de la compote de pommes ou avec un avocat. Vous avez d'autres options aussi, utiliser des laits de noix, des bananes ou des dattes comme édulcorant naturel. Et vous pouvez échanger le sucre blanc pour du sirop d'érable pur. Mmh. Donc, ce que ça va faire, en fait, c'est que, comme on le dit, ça va couper de moitié les calories pour la plupart des recettes. Et vous pouvez tout simplement apporter quelque chose aussi au party. Pensez-y. Oui, c'est le fun lorsqu'on se fait recevoir, lorsque la personne a passé beaucoup de temps à préparer le buffet. Mais lorsque vous avez en tête de garder une option qui va être un petit peu plus santé, il n'y a rien qui vous empêche d'amener un plat et de le mettre dans le buffet. Vous allez peut-être être la seule ou le seul à le manger, mais c'est pas grave, vous allez y avoir pensé aussi. Et le dernier point dont je veux discuter avec vous sur les petits trucs santé faciles, tapez-vous pas sur la tête si vous vous laissez aller. Mmh. OK? Soyez pas... vous sentez-vous pas coupable. Si vous mangez trop, que vous sortez du droit chemin, bien, soyez pas trop dur envers vous-même. Une erreur ou encore une mauvaise journée, ça va pas ruiner nécessairement tout le bon travail sur lequel vous avez travaillé au cours de l'année. Un conseil, bien, rappelez-vous de vos buts, recommencez à nouveau le lendemain, mais il faut garder en tête que c'est un moment de plaisir, les fêtes. Il faut pas trop se casser la tête avec tout ça. Voilà. Et faut retenir ça. Eh oui. Je vais retenir ça pour le prochain Parti des Fêtes. Bonne idée. Peut-être 2019-20. Merci Tania pour Tania Esgonin. Fait plaisir. Tous les matins à Assemblage Requis, on prend une pause et au retour, on va se donner d'autres conseils. En fait, je vais continuer dans ta même lignée de conseils de vie dans les instructions d'assemblage dans 2 minutes. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Qui, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. OK, oui. Oh, oui. Maintenant, c'est le moment de continuer. Comme tu faisais tantôt, tu nous as donné quelques bons conseils très appréciés. Je vais faire la même chose, mais dans d'autres domaines, dans ce qu'on appelle les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Les instructions d'assemblage où on se donne quelques conseils de vie, bien sûr, on les donne, ça veut pas dire qu'on les suit. Non, en effet. Alors, on va commencer avec un petit bloc sur Noël pour continuer dans ta même lignée que tout à l'heure. Alors, on va utiliser une balle de ping-pong pour savoir si votre arbre de Noël a besoin d'eau. Oh, d'accord. C'est beau, un vrai... On parle bien évidemment de sapin de Noël naturel. Évidemment. Vous pouvez quand même mettre votre arbre artificiel dans de l'eau, mais je vois pas trop ce que ça va donner. Non, c'est ça. Vous avez le droit, on vous jugera pas trop. Bref, si votre arbre a des branches qui vont vers le bas de l'arbre, ça peut être difficile de voir si tu as besoin de mettre de l'eau dans le contenant. Hein? Okay. Et l'utilisateur de Reddit Solid Doctor a une solution très facile, mettre une balle de ping-pong dans le réservoir d'eau. Donc, si tu peux voir la balle, qui est souvent blanche, ou même tu peux en trouver une sûrement fluorescente, mais t'sais, quelque chose de visible de loin, si tu vois la balle, elle flotte, donc tu sais que l'arbre a assez d'eau. Et si tu vois pas la balle, ben, tu sais que tu as besoin de redonner de l'eau à ton arbre. Ah, c'est fort quand même. Ça. Très fort. Ensuite, on parle d'échange de cadeaux avec le Père Noël secret. Hein? Les familles sont pas toujours très très bonnes pour les échanges de cadeaux. Des fois, il y en a qui achètent des cadeaux trop tard. S'il y en a qui vont pas aimer les cadeaux des autres, on a de la difficulté à suivre le budget. Hein? Est-ce que tu dois dépasser le budget? Est-ce que tu peux aller vraiment en bas du budget? Ouais. Est-ce que tu peux envoyer ton cadeau par courrier? Sinon, est-ce que tu oublies un membre de la famille? Peut-être, ça gêne tout le monde. C'est pas la grande question qui tue, en fait. Ça. C'est ça. Donc, pourquoi ne pas y aller avec un Père Noël secret? C'est l'idée où tout le monde achète un cadeau pour seulement un membre de la famille et personne ne sait qui a donné le cadeau à qui. C'est parfait, ça. Ce moment si plaisant. Et quand même ça. Donc, vous allez pouvoir tirer les noms dans un chapeau. sinon, vous pouvez donner des cadeaux à des noms de personnes à choisir à l'avance. Vous savez comment ça fonctionne, un Père Noël secret. Il y a des sites comme Draw Names pour tirer des noms au hasard. Sinon, il y a Elfster, il y a SecretSanta.com, donc pour planifier votre jeu de Père Noël secret. Vous devez choisir une personne qui est responsable pour surveiller, pour gérer tout ça. Mm-hmm. Il faut une personne qui gère, ouais, c'est ça. Parce que sinon, ça va vraiment mal aller. La limite de budget, bien sûr, que tout le monde est capable de suivre. Il y en a que c'est 20$, il y en a que c'est 40$, peu importe. Encouragez tout le monde à remplir une liste de souhaits. C'est l'idée, tantôt, les sites que je vous nommais, c'était pour remplir une liste de souhaits. Sinon, ça peut être des listes Amazon ou peu importe. Donc, avoir des options pour que t'achètes pas n'importe quoi ou des cadeaux de gags, des trucs comme ça. Vous pouvez encourager les gens de quand même pas nécessairement suivre la liste de cadeaux, d'y aller ailleurs, vous avez le droit aussi, ça dépend des familles. Si tu sais pas quoi acheter à quelqu'un, tu peux le demander, hein, c'est ce qui est mm-hmm. c'est ce qui est le fun quand t'as juste une personne à qui acheter, c'est que tu peux te renseigner sur cette personne-là à la place d'avoir à demander à avoir un cadeau pour chaque personne. Bref. Voilà, il y a d'autres petits conseils dans l'article sur assemblagerequis.com. On reste sur les cadeaux de Noël et justement, si on achète un cadeau pas trop cher à quelqu'un et on veut qu'il ait l'air un petit peu plus fancy. Oui. C'est des façons de rendre votre cadeau comme s'il était plus cher pour impressionner quelqu'un. Quand même le fun. On dit pour faire ça, d'essayer d'acheter quelque chose de plus lourd. Ah, OK. Charles Spence, qui travaille chez Cross-Modal Research Laboratory à l'Université Oxford, qui a parlé au New York Times pour dire donc qu'est-ce qui impressionne les gens pendant la saison des fêtes. Et son conseil, c'est d'acheter quelque chose de lourd. Donc, il a focusé ses recherches sur comment notre cerveau perçoit le monde autour de nous. Mm-hmm. Donc, on apprend que les formes courbées ont tendance à améliorer le côté sucré de la nourriture. Ah, OK. OK. Et que les gens aiment mieux le vin s'il est servi dans un verre ou une coupe plus lourde. Ah! Et l'accompagner aussi avec un bouchon qui pop. C'est meilleur, le vin, dans ce temps-là. Pour les cadeaux, c'est possible. Pour les cadeaux, Spence dit qu'il y a une association entre le poids et la perception du luxe. Donc, quand on parle de vin, de parfum, coutellerie, trucs pour la cuisine, peu importe, plus c'est lourd, plus ça a l'air cher. Oui. Hein? C'est pour ça que quand tu achètes une bouteille de vin dans un restaurant, le sommelier va peut-être vous donner la bouteille dans les mains pour que vous puissiez toucher, pour qu'elle ait l'air plus lourde. La théorie va aussi jusqu'aux couleurs. Noir est la couleur que les gens associent le plus au luxe parce que c'est la couleur qu'on perçoit comme étant la plus lourde. Ah, OK. Ça a du sens. Donc, si tu achètes à quelqu'un quelque chose de noir, ils ont tendance à penser que c'est plus beau que ce l'est vraiment. Comment tu emballes ton cadeau est aussi très important. Donc, on dit d'emballer quelque chose dans un... Si on met ça dans un sac cadeau avec du papier, tissu, du papier, comment t'appelles ça, le froissant, Spence dit que c'est ce bruit-là, le bruit de ce papier-là froissant, ajoute un petit quelque chose de plus à l'expérience. Et tu peux amener ça encore plus loin en ajoutant un petit squirt, un petit spray de fragrance. Ah, ben ouais, un classique. Ou sinon, faire jouer de la musique classique pendant qu'on ouvre les cadeaux. Pour attirer tous les sens. En même temps, ça peut être très bénéfique pour l'ouverture de cadeaux. Plus d'activité dans le cerveau, ça va influencer comment tu ressens la récompense, comment tu la perçois. C'est fou quand même. On dit de garder les choses subtiles, mais en faisant quand même un petit peu plus que vous auriez fait par défaut. Ensuite, Tania, on te suggère à toi personnellement, ça dit Tania Baudin, oui? Tu devrais te saouler, causer une scène, causer une commotion pendant la soirée. C'est fou, là. Tu dis, bon, que t'essaies d'éviter, peut-être, il y en a qui essaient d'éviter leur famille. Tu veux t'en aller, t'es dans... Moi, j'essaie juste d'éviter de boire. C'est ça, je sais. T'es dans la salle de bain, t'es en train de lire quelque chose pour essayer d'éviter ta famille pendant quelques temps. Les gens se chicanent sur la politique ou peu importe. La solution, se saouler et causer une scène. Parce qu'il va, de toute façon, selon l'article, il va y avoir une chicane de toute façon. Ah, mais maintenant, okay. Au moins, là, c'est toi qui vas décider de partir cette chicane-là. Donc, tu peux choisir le sujet. Ouais. Et tu peux amener un sujet qui va être à l'extérieur de la politique ou de la religion, faire que les gens vont se chicaner ou vont débattre d'un sujet précis qui n'est pas quelque chose d'aussi controversé. Donc, si tu frappes en premier, c'est toi qui vas pouvoir donner le ton à la chicane. Mais tu vois, c'est tout le temps de même que je pars dans ma tête. Ah ouais! Ouais. OK, mais pas nécessairement pour une chicane ou quoi que ce soit. Même une discussion. Oui, une discussion, un débat. Tu pourrais mal virer, mettons. C'est ça. Mais tu choisis de le faire virer de ton sens à toi, dans ta direction. Ben, certainement. Je pense que tout être humain veut, à un certain point, que la discussion tourne, pas nécessairement en sa faveur, mm-hmm. mais comment elle veut qu'elle tourne. Exactement. Et si, justement, t'es dans une de ces familles-là qui se chicanent pas, ouais. mais qui garde tout en boule pendant plusieurs années jusqu'à temps que les choses éclatent. Ouais. Tu pourrais ouvrir le robinet. Oui. De ça. OK. En public. Avec la première, mettons, peut-être. De la famille. Hein? Ou sinon, démarrer un petit débat plus sécuritaire, plus fun que les gros secrets de famille. Mais au moins, ça va laisser les gens se soulager. Puis après ça, peut-être qu'ils vont avoir extériorisé leur mépris et pas leur fou. Haine. Ouais, pas et fou. Revenir à quelque chose de plus positif. Wow! Changeons, mais complètement de sujet des fêtes. On passe à la technologie un petit peu. Une question que tout le monde se demande. Une fois de temps en temps, j'aime ramener un article du genre, le choisir dans mes articles, parce que ça vaut la peine de le redire une fois par quelques années, je pense, que ça vaut pas la peine de fermer vos applications mobiles. Mm-hmm. Afficher la fenêtre des applications récemment ouvertes, là, faire votre double bouton d'accueil sur iPhone ou c'est quoi sur les autres, peu importe, là, afficher les fenêtres puis les tasser, les swiper. Hein. Ouais. Bon, la fermeture des fenêtres, il y en a qui ont pris cette habitude-là. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise pratique? Ben, c'est une mauvaise pratique. Ah ouais? Le vice-président des plateformes et écosystèmes chez Google, et là, je parle pas juste d'Apple, je parle de Google, on parle mm-hmm. de Hiroshi Luckheimer, a tweeté qu'il valait mieux laisser Android se débrouiller avec la gestion des applications. Okay. iOS, c'est la même chose, selon Ish Shabazz, qui est développeur indépendant. C'est une mauvaise habitude. Même Apple dit que c'est pas une bonne idée. Dans un courriel à un utilisateur datant de l'année dernière, le vice-président de l'ingénierie logicielle, Craig Federighi, a déclaré que quitter de cette manière une application iOS n'aidait pas la batterie du tout. Sur la page d'aide, la firme de Cupertino précise de forcer la fermeture des applications uniquement lorsque celles-ci ne répondent plus. C'est pas que c'est mauvais pour votre téléphone, c'est juste que ça fait rien. Les applications sont gelées. C'est pour ça que quand vous swipez d'une application à une autre, des fois, il faut qu'elle se réactualise. Ah ouais. Évidemment, ça dépend aussi de si vous avez activé les options d'actualisation en arrière-plan pour les applications. Ça se peut des fois qu'il y en a quelques-unes qui vont rester actives. Sauf que vous voulez qu'elles soient actives pour que quand vous revenez à votre application, comme par exemple Facebook, ben, qu'elles soient déjà actualisées. Ben oui, clairement. En fermant toutes les applications, ça fait qu'il va falloir la recharger à chaque fois de zéro. Donc, ça va prendre plus de batterie sur quoi, t'sais. Donc, arrêtez peut-être, et peut-être que vous allez récupérer du temps dans votre vie ben à oui. la place de tout le temps swiper. Il y en a qui aiment bien ça. L'action de swiper, c'est le fun quand même. C'est ils vrai. Ils l'ont changé sur iOS 11, sur l'iPhone 10. Ouais. Tu dois maintenant swiper vers le haut, tenir, les fenêtres s'affichent, et là, tu dois tenir une application pour faire apparaître le petit « moins ». Sur l'icône, comme quand tu dois déplacer des icônes. Il y a décevant. Ben, c'est décevant, mais peut-être que c'est justement pour faire que les gens vont moins souvent le faire. Ouais, peut-être. Si t'as une action de plus à faire, tu vas faire bon, gars. Je vais laisser ouvert. T'sais. OK, ouais. D'après moi, c'est d'accord. Probablement pour ça. On reste chez la technologie. On va chez Apple avec macOS. On peut maintenant bloquer les applications distrayantes avec l'application Freedom. Donc, c'est une application multiplateforme, en fait, qui peut bloquer des sites web distrayants. Maintenant, sur macOS, ça s'en vient bientôt sur Windows. Freedom, donc, bloque des applications sur votre ordinateur. On voit une liste de toutes les applications qui sont sur votre ordinateur et on peut sélectionner celles qu'on veut bloquer. Et ensuite, comme on bloquerait un site web, on peut bloquer ces applications-là en temps réel ou pendant des heures que vous choisissez, par exemple de 9 à 5 ou peu importe. On peut bloquer Chrome, on peut bloquer le logiciel Twitter, peu importe, pour que vous puissiez travailler seulement dans Excel, par exemple. Vous pourriez bloquer tous les jeux entre 10h et 18h. Bref, on peut faire plein de choses avec ça. Bloquer des applications qui pourraient... vous rendre un petit peu plus productif. Ça coûte quand même de l'argent. On parle d'une vingtaine de dollars environ. Donc, pour une licence pour une année. Voilà. Ensuite, il y a d'autres applications qui sont gratuites en passant pour faire ça. Mm-hmm. On utilise des trucs de recherche pour prendre le contrôle de sa boîte courriel Gmail. Oh, OK. Gmail, tu sais, c'est rendu pas mal courant, pas mal tout le monde oui, a Gmail, ouais, je pense. Ouais, pas mal. Hein? Mais bref, ça peut être difficile des fois de vider ta boîte de réception. Très. Moi, j'aime beaucoup, je suis un grand fan de l'Inbox Zero, c'est-à-dire qu'à chaque jour, je clean mes courriels en temps réel pour m'assurer d'avoir zéro courriel dans ma boîte d'accueil. C'est pas toujours le cas parce que je garde mes petits messages de rappel de payer un compte ou de ci pis ça, fait qu'il y en a tout le temps 4-5 dans la boîte d'accueil, mais au moins, je veux pas en avoir 1000 à l'écran comme bien les gens. Je suis pas capable de gérer ça, mes courriels en même temps. Mais on reçoit plusieurs dizaines ou douzaines de courriels par jour, beaucoup de spam. Donc, comment faire pour se débarrasser de ça? Ben, on peut commencer en cherchant les vieux courriels. Si tu as des vieux courriels dans ta boîte, ton archive, et que tu veux descendre ton pourcentage d'utilisation, parce que tu sais que Gmail t'offre un certain nombre de gigs. Uh-huh. Je pense que je suis à 75% en ce moment. Donc, si tu veux effacer tous les vieux messages, tu peux faire « before » deux points et une date, mais dans le système américain. Par exemple, « before 2016-12-31 » avec des barres obliques, ça va effacer, ça va chercher tous tes messages avant le 31 décembre 2016. Oh, OK, on aime ça. Donc, il te resterait seulement les messages de 2017. OK. Tu peux effacer, mettons, before 2017. Donc, il va effacer tout ce qu'il y a avant aussi. Tout ce qu'il y a avant. Même pas besoin de choisir une date précise. Ça se fait vraiment très, très bien. Sinon, pour sauver de la place, tu veux enlever des courriels qui ont des attachements de plus que 10 MB. Ouais. Donc, tu peux taper dans l'engin de recherche de Gmail has, comme dans il a, le message a, donc ouais. has, H-A-S, 2.attachment, espace, larger, trait de soulignement, than, donc plus gros que, 2.10 MB, par exemple. Ah, OK. Évidemment, tout ça est dans l'article. Oui. Sur assemblagerequis.com. Ça va te trouver tous les courriels qui ont un attachement de plus que 10 MB. Ah, c'est fun, ça, par exemple. C'est vraiment bien. Tu peux te débarrasser des courriels qui sont pas importants, donc dans lesquels tu as été mis en CC ou en BCC. Donc, tu peux faire, comme dans l'engin de recherche, CC2.me, comme moi, ou BCC2.me, et ça va, tu vas pouvoir effacer tous les messages que tu n'as pas reçus personnellement. Hein? OK. Si tu veux te débarrasser de tous les courriels, que tu sais qu'il y a une personne dans ton environnement qui t'envoie tout le temps des messages avec quelque chose que tu n'as pas besoin dedans de garder, tu peux faire from, deux points, et son adresse courriel. Ah! Et tu vas trouver tous les messages de cette personne-là. Donc, là, tu peux toutes les effacer tous aussi. Tous les effacer. Et donc, il y a plein, plein d'autres conseils comme ça. Là, je ne les dirai pas tous parce qu'il y en a pas mal, beaucoup. Mais c'est sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1169. On reste dans les courriels et on se demande comment envoyer un courriel comme un boss. On ne dit pas comme un patron, mais comme boss. Non, like a boss. C'est ça. donc, on devrait faire ce que Katie Notopoulos sur BuzzFeed nous dit, c'est-à-dire de répondre à tous vos courriels tout de suite, mais avec seulement quelques mots. Ah, OK. On appelle ça « courrieler comme un directeur général ». C'est une phrase qui a ses origines en 2001 au New York Times, où on parle d'exécutifs, de gens haut placés dans les compagnies qui envoient des courriels souvent très courts, souvent mal éplés, avec des fautes dedans. C'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être efficace. Donc, tu réponds rapidement avec un « non merci » ou avec un « j'attends ça pour 5 ans » ou avec quelque chose de rapide. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui, c'est ça, un petit merci. Mais quelques mots à peine. T'as pas besoin d'un long courriel avec plusieurs phrases. Non, je suis d'accord. Ouais, donc passez-y. Ensuite, est-ce que tu utilises les filtres d'Instagram, toi? Sur tes photos, parfois, vidéos? Oui, parfois, ouais. Est-ce que tu aimerais pouvoir utiliser les filtres d'Instagram, mais ailleurs, sans avoir à les poster sur Instagram? Oui. Ça pourrait être bien parce que les filtres de iOS ou autres téléphones. Ils sont pas super. Sont pas aussi bons, il y en a pas autant. Ouais, il serait peut-être temps qu'ils revoient. Ils pourraient revoir ça un petit peu. Ils pourraient faire une association avec Instagram pour que les filtres soient, comment dire, démocratisés. Mm-hmm. Tu peux utiliser les filtres d'Instagram sans poster la photo. Ça arrive. Ah ouais? Tu peux le faire. Profiter des filtres. Donc, comment est-ce qu'on fait, hein? Il faut passer par le système de postage de messages d'Instagram, comme on le ferait d'habitude. Sauf qu'une fois rendu à la dernière étape où tu aurais à écrire ta description et appuyer sur « partager », tu mets ton téléphone en mode avion. OK. Instagram va essayer de poster ta photo, mais ne sera pas capable parce que tu es en mode avion, donc tu n'as pas d'Internet. L'image va donc être sauvegardée dans ta caméra, dans ton album photo. On aime ça. Pas pire, hein? À partir de là, ben, tout ce que tu as à faire, c'est de remettre... ton Internet et annuler l'upload avant, évidemment. On annule l'upload sur Instagram parce que sinon, en revenant sur Internet, il va essayer de la poster. Mm-hmm. Donc, t'annules l'upload, ta photo est déjà dans ton camera roll, dans comment t'appelles ça en français, je me rappelle pas, mais ton appareil photo. Là. Ouais, ouais, ouais. Et puis, là, tu renlèves le mode avion et tout fonctionne. Super simple. On reste en technologie et on économise de l'argent sur Spotify. Oui, il y a des gens qui payent pour Spotify pour enlever les trois pubs qui jouent en redondance entre chaque maudite chanson. Mm-hmm. On stan à un moment donné. T'sais. Oui, vraiment. On stan sont vraiment mauvaises. Engagez-vous quelqu'un qui est capable de monter des pubs, sérieusement. Pensez-y, s'il vous plaît. Tu sais, quand les pubs de C'est Fou sont vraiment meilleures que les pubs de Spotify... Hein? Merci, merci. C'est ça. Donc, économiser de l'argent sur Spotify en payant pour l'année au complet à avance. Ah, OK. Pour les gens qui sont vraiment all-in avec Spotify, les utilisateurs premium peuvent payer pour toute une année au complet à un prix réduit. Donc, à la place de payer, bon, là, je l'ai en dollars américains, on s'en fout, la conversion du dollar canadien, c'est quelques piastres de plus. Là. Donc, 10 dollars par mois, mettons. Et là, tu vas l'avoir pour 100 dollars par année. Donc, disons que c'est 12 dollars par mois au Canada, ça va faire 120 dollars par année. Donc, t'économises de l'argent. T'économises deux mois, en fait. Mm-hmm. C'est quand même pas si pire, 20$ sur une année. C'est quand même une bonne économie. L'offre est disponible en ce moment jusqu'au 31 décembre. Après ça, vous allez revenir au système habituel. Donc, allez voir les prix pour Spotify Premium. Je vais aller voir sur le site canadien, voir est-ce que je peux facilement changer le US pour un CA. Oui, attention, au lieu de 99$, c'est 99$ canadien aussi. Oh! Donc, on économise vraiment. Parce qu'en tant que tel, 99$ canadien, on s'entend que c'est comme 120, j'ai envie de dire 120, 130, quelque chose comme ça. Bref, donc on économise en étant au Canada et en plus, on économise deux mois. Ça expire encore une fois le 31 décembre. Ça pourrait faire un bon cadeau aussi. On reste dans l'audio. En fait, avec Netflix. Des films sur Netflix, c'est cool. T'aimerais peut-être pouvoir les transformer en livres audio. Ah, ben oui. Pourquoi pas? Pour écouter un film dans l'autobus, quelque chose comme ça, sans avoir regardé ton écran, surtout quand tu le connais par cœur, ou même si c'est, mettons, un show d'humour, t'as pas besoin du visuel. Non, c'est vrai. T'sais? Donc, regarder les émissions ou des films en rafale, c'est toujours le fun. Netflix a une catégorie d'émissions qui offrent la description audio, c'est-à-dire qui t'as sûrement déjà essayé la description audio sur ta télé où ça décrit l'action là. Ça veut dire bon, la personne entre dans sa chambre, je sais pas, est en train de se déshabiller. Bon, c'est pour les personnes qui ont difficultés visuelles, hein. Donc vous pouvez écouter les émissions à la place de les regarder parce que ça vous décrit encore plus l'action. Donc c'est pas seulement pour les spectacles d'humour. Description audio qui est une catégorie dans l'application Netflix et on dit qu'il y a plusieurs options. Et vous pouvez utiliser ça avec votre téléphone. Voilà. Ensuite, parlons de lecture à voix haute qui vous aide à vous souvenir de plus d'informations. D'accord. Mm-hmm. Donc, si vous essayez de retenir quelque chose, vous ne devriez pas seulement lire vos cartons encore et encore. En fait, vous devriez les lire à voix haute sur la nouvelle étude de l'Université de Waterloo en Ontario. La recherche a été publiée dans le journal Memory et ça nous dit que l'action de lire et de parler à voix haute est plus efficace pour se souvenir d'informations que de lire en silence. Donc, l'effet de parler et d'écouter en même temps aide à encoder la mémoire, les souvenirs plus fortement. La recherche, donc, qui est du psychologue à la base, Colin McLeod. Donc, c'est par-dessus ça qu'on a fait cette étude-là. Ça a testé 95 étudiants universitaires pendant 2 semestres, leur demandant de se souvenir d'autant de mots que possible d'une liste de 160 noms. Wow. Bref, les informations sur l'étude et comment elle a fonctionné, c'est sur assemblagerequis.com. Mais en gros, quand vous étudiez, lisez à voix haute. Mm-hmm. Bon. Ensuite, on nous suggère, on change de sujet, on parle d'enfants ce coup-ci, d'amener nos propres jouets chez le pédiatre ou pas mal chez n'importe quel médecin, vous amenez vos enfants. Ouais, bonne idée. Tu sais, c'est la saison des rhumes, la saison des grippes et en décembre, pas mal tout le monde a quelque chose, en novembre aussi, ça arrive. Et là, tu vas chez le médecin, chez le pédiatre et tu dis, il y a sûrement une bulle autour du bureau du médecin qui fait que les enfants peuvent pas tomber malades dans le bureau du médecin. Mm-hmm. C'est sûr que tu vas pas tomber malade. Ben en fait oui, parce que c'est rempli de microbes, les gens vont là parce qu'ils sont malades. C'est pas mal sûr que tu vas en fait tomber malade si tu vas chez le médecin. Pas sûr, mais en tout cas plus probable. Les docteurs eux-mêmes le disent. L'American Academy of Pediatrics a sorti un petit communiqué en octobre nommé « Infection Prevention and Control in Pediatric Ambulatory Settings ». Donc, prévention et contrôle des infections dans un environnement pédiatrique qui nous donne quelques lignes directrices pour empêcher la transmission de maladies contagieuses. Ça focus évidemment sur se laver les mains, laver l'équipement que tu utilises aussi et ça note que passer du temps dans une salle d'attente, c'est vraiment pas bon pour réduire ce qui est contagieux. La réception et tout ça, c'est l'opportunité pour les enfants de se parler, de se toucher, de se frôler, de se tousser dessus. Donc, ça va être encore plus facile d'attraper quelque chose. Donc, amenez vos propres jouets, ça pourrait déjà être un bon début. Ouais. On dit, on suggère d'amener ses propres jouets et ses propres livres de la maison, surtout pour les enfants vulnérables. Encore une fois, plein d'autres détails sur assemblagerequis.com. Ensuite, comment se récompenser sans dépenser de l'argent ou trop manger? Ah, OK. C'est un moment difficile de l'année, le mois de décembre. Oui, 2017 vraiment. A pas été une année facile pour tout le monde. Il y a beaucoup de nouvelles plutôt négatives qui ont eu lieu. C'est un moment où on a besoin de se récompenser, je pense. Hein? Mm-hmm. Et quand on décide de se récompenser, souvent on va dépenser de l'argent ou manger du junk food. Oui. Il y a rien de mal là-dedans, on peut le faire une fois de temps en temps. Mais on peut aussi trouver d'autres façons, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire? Prendre soin de soi-même. Tu en as déjà parlé un petit peu dans ta chronique. Ouais. Juste aller se promener ailleurs, voyager dans d'autres régions. De la nourriture santé, mais qui est pas trop chère, dans des restaurants santé, ça pourrait être bien. Donc, c'est ça. C'est pas mal ce qu'il y avait à dire dans cet article-là. Pas grand-chose de plus que ça. Maintenant, les langues à apprendre. Les langues qui prennent le plus de temps et le moins de temps à apprendre. Ah? OK. Donc, si tu veux apprendre une nouvelle langue et que tu es prêt à t'engager un petit peu, il y a des langues qui vont prendre plus ou moins de temps. Selon le US Foreign Service Institute, les langues de partout dans le monde tombent dans 4 catégories de difficultés. La catégorie 1, la catégorie 2, la catégorie 3 et la catégorie 4. Hein? La catégorie 1, c'est la catégorie la plus facile à apprendre, celle qui prend le moins de temps. Et catégorie 4 sont les plus difficiles. Donc, ceux qui prennent le plus de temps à apprendre, on dit l'arabe, le chinois, cantonais, mandarin, le japonais. Et le coréen, qui demande en tout 2200 heures environ à apprendre pour se rendre à ce qu'on appelle du 3 sur 3, c'est-à-dire être que ce soit ton langage que tu es capable d'utiliser couramment. Mm-hmm. Ensuite, ça fait environ 88 secondes. 88 semaines, j'ai dit secondes, pardon. Ouais. Semaine, oui. Si vous n'avez pas les 2200 heures, les langages, les langues qui prennent le moins de temps à apprendre sont le danois, le hollandais, le français, quand même, italien, norvégien, portugais, roumain. Ouais, le roumain. L'espagnol et le suédois. Oh, OK. Des langages de catégorie 1, donc des langages mondiaux qui sont plus faciles à apprendre pour nous qui parlons français. Toutes ces langues-là demandent entre 600 et 750 heures de cours, environ 24 semaines de cours intensifs. Sauf pour le français qui demande 30, mais bon, on le connaît déjà. C'est correct, hein? Catégorie 3, c'est plus difficile, mais en même temps pas au sommet. Fait que vous pouvez voir le reste de la liste sur assemblagerequis.com. Il y en a 50 langages au total. C'est ça? Au total? 50. Ouais. Ouais. Ensuite... Où mettre tes vêtements qui ne sont pas complètement sales, mais pas complètement propres non plus? Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'à un moment donné, un chandail... Tu les mets sur une chaise. Tu les mets... Oui, c'est ça. Tu les laisses... Non, tu les laisses pas à terre. Tu les laisses ouais? sur une chaise ou sur une table. C'est ça que j'ai J'avoue, dit? J'avoue, c'est ça. Non, je disais ouais? parce que tu le mettrais à terre, mais tu sais... Non. Je le ferais pas. Donc, bref, les gens ont des opinions là-dessus. On dit que tout ce qui a touché ta peau, même pour un instant, devrait être lavé. Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment clean freaks. Ouais, ouais, okay? ouais. Y a une catégorie de gens qui va dire que tout va retourner dans le tiroir ou dans le garde-robe. Mm-hmm. Ça dépend. Ça, c'est pour ceux qui sont comme entre les deux. T'as tout mettre sur une chaise. Ça, c'est notre solution à toi et à moi, je pense. C'est pas mal le bon endroit. Sinon, tout peut être mis sur un rack ou peut-être dans une portion définie de ton garde-robe. Mettons, la gauche, c'est les affaires que tu as déjà portées récemment et que tu peux reporter avant de les relaver. Exactement. Et à droite, tes vêtements propres. Bon. Ça pourrait être que tes vêtements qui sont entre deux pourraient être dans leur propre tiroir, sur leur propre tablette, dans leur propre panier. Je dirais panier moins un peu. Ça va fripper tes vêtements un petit peu. Ouais, juste un peu, hein? Un petit peu. Sinon, tu peux les mettre, on suggère de les mettre sur le bord de ton panier à linge, de ton panier à vêtements, mais juste pas dedans, juste sur le côté. Mm-hmm. Sur le. Ça, ça pourrait être une bonne idée. Ou sinon, de les mettre sur des crochets. Dans le garde-robe, des fois, t'as des crochets sur la porte, ça pourrait être là que ça pourrait aller. Donc, il y a plein de solutions, beaucoup plus détaillées sur l'article, bien sûr. Ensuite, on nous suggère de ne pas essayer de faire vieillir son vin. Tu sais, on dit, bon, OK, plus t'attends longtemps avant d'ouvrir ta bouteille de vin, mieux ça va être, hein? Ouais. On dit ça, mais non. À moins que t'aies acheté du vin qui est spécifiquement fait pour être vieilli. Okay. Ça changera pas grand-chose. C'est la sommelière Madeleine Pouquette chez Wine Falling qui nous explique que la plupart des vins de nos jours ne sont pas faits pour vieillir. En fait, Pouquette dit que la plupart des vins qu'on achète en magasin ne dureront pas aussi longtemps qu'on croit qu'ils vont durer. En fait, elle donne une petite règle qui est la suivante. Les vins rouges qu'on achète, les vins de tous les jours, là, rouges, peuvent durer environ 5 ans. Et les vins blancs ou rosés durent environ 2 à 3 ans. Oh, wow, OK. Et attendre la fin de cette période-là ne va pas les améliorer, en fait. On dit que c'est important que le vin que de dire que le vin que t'achètes au supermarché n'est pas super complexe. Un vin qui n'est pas complexe dès le départ ne va pas devenir plus complexe avec le vieillissement. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de le faire. Hein? Mais il y a des vins qui sont faits pour ça, par contre. Des vins non, qui non, sont non, faits non, pour être vieillis. Exactement. Donc, ça, c'est une autre catégorie complètement, un autre sujet. Voilà. Attends, on parle un petit peu de vin en sac à la fin de l'article. Vous devriez, on dit, dans, le conseil, c'est qu'on devrait acheter juste le vin qu'on a envie de boire et le boire maintenant, ou sinon, de se prendre du vin en boîte, qui est assez excellent, nous dit-on, venant d'un sac de plastique à l'intérieur d'une boîte de carton. En fait, tu vas en avoir plus de vin pour moins d'argent, ça va durer plus longtemps, et tu vas souvent pas pouvoir faire la différence entre du vin, super, évidemment, on parle de vin de qualité en boîte. Oui, bien évidemment. Entre ça et du vin un petit peu plus cher. Donc, c'est ce qu'on nous suggère, et ça, c'est une sommelière qui le dit. Fait que j'aurais tendance à y faire confiance. Moi qui connais pas tellement le vin, je vais mettre ça entre les mains d'une sommelière. Oui, c'est ça, bonne idée. Et enfin, on va y aller avec un dernier. On va parler des avantages d'une bonne posture. Une bonne posture. C'est une chose de s'asseoir, c'est une autre chose de s'asseoir correctement. Hein? Oui. On s'assoit, on se lève, on s'assoit, on se lève, mais on s'assoit mal, c'est ça à faire. Et on transporte les choses de mauvaise façon aussi, nos sacs. On se penche pour attraper quelque chose par terre, on va pas piler les joues correctement. Bon, on n'est pas du genre tout le temps à avoir une bonne posture. Et ça peut faire du mal à ton corps d'avoir une mauvaise posture. Tu pourrais te blesser. Donc, ne pas porter, attention, oui, à ta posture va te blesser de plus qu'une façon, nous dit-on. Donc, les avantages d'une bonne posture. C'est une vidéo, en fait, que vous pouvez regarder sur YouTube. C'est un TED Talk. Des avantages de la bonne posture. Donc, allez voir la leçon au complet sur assemblagerequis.com. C'est pas mal tout ce qu'il y avait à dire. Mm-hmm. Pas l'article le plus détaillé au monde. voilà, c'est tout pour les discussions d'assemblage. Je regarde ça, j'espère qu'on va voir notre chroniqueur oui, Stéphanie Paradis aussi, tantôt. J'espère. Je laissais le temps passer pour lui laisser le temps d'arriver. On va prendre la pause et après ça, si tout va bien, Stéphanie Paradis et patate de sofa. je dis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est par l'assemblage requis en ce jeudi 7 décembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Mm-hmm. Donc, cette dernière heure qui va être composée, entre autres, d'une grosse pointe à l'adresse. D'ici la fin, on va goûter à quelque chose de sucré. C'est l'indice que j'ai aujourd'hui. C'est des choses que j'aime beaucoup qui sont là-dedans, toi. Beaucoup de choses d'accord. en même temps. J'ai hâte. Délicieuses choses. Dans l'attente de Stéphanie Paradis et Patate de Sofa, on va s'écouter une petite pièce de musique. Avant ça, par contre, anecdote. Je me suis pété une dent hier. Ça voyons. Faisait longtemps que je m'étais pas pété une dent. Je m'étais pété il y a quelques années la palette de ma gauche, ta droite. Ouais. Et là, peut-être 2 ans, j'étais allé me faire un plombage pour remplacer le bout de dent manquant. Et là, hier, je me suis fait la même chose, mais à l'autre dent. On voit une petite craque dans ma dent, bref. Mais je pense que je suis dû pour avoir une dent cassée. Je vais devoir aller me faire plomber cette dent-là. Et tout ça, tu me demanderas comment t'as fait ça. Est-ce que t'as foncé dans un mur? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon cache-cou. T'as mis ton cache-cou. Et mon cache-cou est serré. J'ai essayé de le passer par-dessus ma tête. C'est plus que serré, là. Ouais, je sais. Mais je l'ai passé sur mon menton et par-dessus ma tête. OK. Et j'imagine que mes dents ont frotté les unes contre les autres, les dents en haut, en bas. Et j'imagine qu'il y avait une fragilité au bout de ma palette. Et ça a cassé. Deuxième fois dans ma vie. Mon Dieu. J'ai bien hâte de faire réparer ça. C'est terrible. J'aime pas ça parce que je le sens. Ouais, je comprends. C'est gossant un petit peu. Ouais. Hein, ça... C'est coupant un petit peu. Ouais, et c'est quand je m'étais cassé l'autre palette, quand je me suis fait faire un plombage, j'avais eu la dent cassée pendant plusieurs années. Okay. Jusqu'à temps que je me fasse plomber. Et le plombage avait fait que je parlais différemment. Ah! Et là, j'ai recommencé à parler normalement depuis ce temps-là. Ça n'a pas été super long, mais quand même. Ouais, non, c'est ça. Et là, je vais devoir peut-être me réhabituer. Mais en faisant le plombage, je vais pas perdre ma façon de parler. Non, c'est vrai. Faut que je le fasse vite, par contre. T'as bien raison. Bref, drôle d'anecdote, je trouve. Moi, ça me fait rire. Bon. On écoute Slaughter Dog. Slaughter Beach Dog, oui. Avec Acolyte. À Assemblage requis jusqu'à 10 ans. Get out of Ohio, feeling short on time. Eyeball your inheritance, dead stare at the bar. Put back one more, stumble under the stars. We could fly to Ireland, you know I'm good for the ticket. Try to smirk, but you're smiling. No, I'll stick with it. Annie, I want you to marry me. We'll wait a few years. I don't mean to frighten you. I just wanna be clear. $10 for the last game. suck smoke from the air. Man, it cuts like a dull knife when you're young and you're told. It makes sense when you're older. Darling, let's get old. Acolytes de Slaughter Beach Dog. Assemblage requis. Maintenant, c'est Tu manges mon cœur. On aime trop de choses. Tu manges mon cœur, c'est donc la chronique où on partage nos coups de cœur, Tania et moi, une fois de temps en temps. Tout à fait. On s'est pas trop consulté par rapport à l'ordre. Pas en tout. Aujourd'hui, mais on s'est je laisse commencer, mon cher Mathieu. Merci, je vais commencer avec un site qui s'appelle justtypestuff.com. En fait, le nom, c'est Constellation, mais mm-hmm. le nom de domaine, c'est justtypestuff. Et donc, quand tu arrives sur le site web, il y a une barre de chargement. Okay? Et là, ça te demande de juste taper quelque chose. OK. Donc, dis-moi quoi taper, mettons. Patate. Potato. Je fais ça, je fais enter. OK, tape autre chose après ça. Mister. Mister? Ouais. OK, Mister, parfait, ouais. Après ça. Puis, Blue. Blue. Maintenant, ça charge un nouvel endroit. Donc, à l'écran, ce qu'on voit en ce moment, je te le montrerai pas tout de suite, là, mais en fait, je peux te le montrer. Okay. Ça montre de l'eau bleue. Okay. Ouais. Je vais taper autre chose. Mettons. OK. Ah, c'est moi qu'il faut qu'il ouais. trouve. Là, faudrait que je trouve quelque chose comme, mettons, running. Running. OK. Je vais marquer, mettons, coffee. OK. Ah, et là, il y a un verre de café qui vient d'apparaître dans le ciel. Oh, OK. Un verre qui est en train de se verser. Je vais taper, je sais pas, t'as dit running tantôt, je vais dire walking. Je vais dire... running, ouais. Ouais, running encore. OK. Oh, on entend mon son, hein. Running, oui, bon. Je vais marquer, je sais pas, sunshine. Ouais. OK. Il va se passer quelque chose éventuellement. D'habitude, il se passe plein d'affaires. Éventuellement. Allô? Je pense que c'est en train de bloquer sur l'ordinateur. Je pense que c'est en train vraiment de bloquer, mais ça fait péter mon Internet. Possible. J'aurais pas dû essayer quelque chose aussi intensément flash que ça sur l'ordinateur du studio, hein? Malheureusement. Mais bref, oui, c'est mince. Chrome me dit mince, WebGL a rencontré un problème. Mais oui, mais non. C'est folle. Ça arrive pas, ces affaires-là. Mais non, bref, jamais. Sachez que tout ce que vous tapez a des répercussions sur le scénario. Donc, j'ai tapé Sunshine et le soleil s'est levé dans le ciel. Oui. Et le café était vraiment dans le ciel. Donc, il va se passer plein de choses. Tous les mots qu'il reconnaît, ça va comme créer une histoire autour de ça. Bien vrai. C'est belle fun. Donc, justtypestuff.com, c'est un beau petit jouet. Ça s'appelle Constellation. Divertissant. Bon. Et mon autre affaire que j'avais peut aller après ta première affaire. As-tu une chose ou deux? Toi? Oui. J'en ai deux. À ton tour. Fais mieux que moi. Ça va être mes deux facile. Choses, en fait, sont en anglais. Donc, si vous tripez pas tant sur l'anglais, bien, je m'excuse. Vous allez pouvoir au moins voir certains sous-titres malgré tout. Donc, vous allez peut-être pouvoir chercher. C'est une vidéo de Jackie Redmond. Qui est Jackie Redmond? En fait, c'est la fille des sports à Sportsnet Central. Oh. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une vidéo qui est très, très drôle, humoristique, avec une de ses amies par rapport aux filles qui aiment le sport, mais for dummies. Donc, vous savez, tous les livres... Exactement, tous les livres, là, genre Internet pour les nuls, je sais pas moi, manger pour les nuls ou peu importe. Tricoter pour les nuls. Eh bien, là, c'est les filles qui aiment le sport pour les nuls. Et c'est très, très drôle. Ça dure 1 minute 52. C'est pas long, mais c'est excellent. C'est tellement vrai. Donc, je vais me faire un plaisir de partager ça sur la page Facebook d'Assemblage Reiki parce que c'est tellement vrai. Tout ce qu'elles disent dedans, c'est incroyable. Bien évidemment, elles s'en prennent, mais elles expliquent aux hommes qui croient que les femmes s'intéressent au sport. Pour les gars qui jouent au sport. Bien, pour les gars qui jouent au sport ou que les filles ne s'intéressent pas vraiment au sport, eh bien là, on met les choses à bonne place. On va mettre les points CI, les barres CT, mon gars, watch out. La fille, elle travaille en sport. Mmh. Et bien évidemment, elle a créé cette vidéo-là parce qu'elle se fait souvent parler du fait qu'elle est en sport juste parce qu'elle a eu cette opportunité-là. C'était un poste qui était ouvert. Mais non, elle est en sport parce qu'elle aime les sports. Ben, c'est ça. Tu travailles en sport, c'est pas parce que t'aimes tricoter. Là. Tu peux aimer tricoter. C'était pas ça le temps va être long, maudit. C'est ça. À base, t'aimes les sports pareil. Ça existe, OK? Donc, c'est très, très drôle. 1 minute 52, c'est humoristique. Ça me fait penser un petit peu aux vidéos des grandes crues du côté francophone québécois. On est un petit peu dans le même style de niaiserie, dans le même style d'explication. C'est un bijou. C'est un petit bijou, cette affaire-là. Sur la page Facebook d'Assemblage Rocky et sur le site assemblagerocky.com. Moi, j'ai un deuxième truc, c'est auditif. C'est une chanson que j'ai entendu et ça m'a surpris d'entendre que c'était du Bastien de Bass. On joue Bastien de Bass fréquemment ici. La pièce du palmarès Up Top qu'on a joué hier parce qu'elle était numéro 1 la semaine passée. Et bien, leur pièce que j'ai entendue, je sais pas trop où, je l'ai chasamée puis c'est comme ça. C'est I Try, Living Room Session. On écoute ça tout de suite à Assemblage Rocky, Bastien de Bass. And fears, when will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together now, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you. I'll keep my cool, but I'm fiending. I try to say goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not here. To be free, but I'm just a prisoner of your love. See, I may seem alright and smile when you're near, but my smiles are just a front, just a front. I'll play it off, but I'm dreaming of you. I'll keep my cool, but I'm fiending. I try to say goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. Oh, I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not here. Goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. Oh, I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not here. I'm fiending. I try to say goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. But I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not here. Say goodbye and I choke. Try to walk away and I stumble. But I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not here. Oh no. Avec I Try, une reprise d'une chanson de comment dire, Macy Grace, mm-hmm. Bref, ils l'ont rendue bonne. Ouais. Je trouve quand même. Ben oui. C'est ça, je l'avais chasamé et je m'étais même pas rendu compte que c'était une pièce de Macy Gray. Je pense que j'avais entendu plus le bout Big Band dans le milieu. Bref. Très bon, Bastille Bass. De mon côté, le dernier que je veux vous présenter, bien, je l'ai dit, les deux étaient en anglais aujourd'hui, donc je m'excuse à ceux qui ont de la difficulté à lire l'anglais, mais c'est thoughtcatalog.com. Oh. Donc, c'est un site Internet où la plupart des gens peuvent écrire. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est écrire un texte, envoyer à l'équipe de je veux pas dire production, mais quasiment. De rédaction. Rédaction, voilà. Et c'est eux qui vont choisir si votre texte est accepté ou non. Mm-hmm. Mais c'est très le fun parce qu'on a plusieurs histoires différentes. On a des trucs qui sont vraiment très, très, en anglais, on pourrait dire « reliable ». Donc, fiable. On en a d'autres où que ce sont des choses, des histoires vécues, tout simplement. Et parfois, bien, c'est plaisant. Ça change du la presse. Ça change des nouvelles. Mais c'est tout aussi divertissant. Je vous dirais même que c'est plus parfois plus le fun que ce fameux petit site Internet que nous connaissons qui commence par N et finit par R-City. C'est subtil. Voilà. Thought Catalog. Thought Catalog. Super. Merci, Tania. Fait plaisir. Voilà pour Tu manges mon cœur, où on se donne quelques petits coups de cœur comme ça, de temps en temps. Yep. Maintenant, passons à autre chose complètement. Oui. Hein? Quoi donc? Ça va être le moment de manger. C'est là que ça se passe. Ouh là là! Oui, oui. C'est une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique où on goûte à quelque chose acheté en magasin, en pharmacie, en épicerie, peu importe, quelque chose de malsain que j'ai gardé dans mon tiroir pendant toute la semaine. Non, c'est pour ça qu'on appelle ça des produits du tiroir. Ok, oui. Aujourd'hui, j'avais envie d'être sucré, mais vraiment comme over, surdose sucré. Ok. Donc, j'ai amené des Snappers. Oh là là! a une douceur sucrée et salée au caramel et au bretzel croquant, chocolat noir et sel de mer. OK. Avec du caramel et du chocolat, c'est sûr que c'est très sucré. Un petit côté salé quand même pour venir équilibrer la chose. Ça a l'air vraiment très bon. Ça dit que ça fait 100 ans que la compagnie existe. 100 ans de recettes familiales. Wow. J'avais jamais vu les Snappers. Je sais pas pourquoi. Je vais peut-être pas regarder comme faut. Pourtant, les emballages sont quand même attirants. C'est très, très mauve dans ce cas-ci. On voit de très près la petite genre de fleur, je dirais, qui est créée par, on dirait, et là, je crois que ça, c'est ça, un centre caramelleux. Mm-hmm. OK? Des bretzels plantés dedans, on dirait, pour faire comme une marguerite. Et un petit coulis de chocolat par-dessus avec du sel. My God. Tu vois, ça ressemble vraiment à une fleur. Ouais, mais ça a l'air vraiment bon, Mathieu. Ben, puis là, les deux, en plus, on a faim, je sais. En tout cas, moi, je viens de le dire que j'avais faim. Ça n'a aucun sens comment on a faim, mais tu sais, c'est pour ça que je mène des produits qui ont au moins l'air bons. Hein? Oui. C'est quand même très calorique. 160 calories par 40 grammes, c'est-à-dire 3 morceaux. Caramel tendre et crémeux au centre. Sel de mer sur le dessus. Chocolat noir décadent. Et bretzel croquant, les deux sur le côté. Ils disent, je cite, « Notre famille confectionne des chocolats depuis 1914. Ayant transmis leur meilleur secret de confection du chocolat depuis 4 générations, nous sommes les meilleurs secrets, pas leurs meilleurs. Nous sommes devenus une famille de chocolatiers. Aujourd'hui, avec le plus grand dévouement et une inspiration créative, nous vous présentons Snappers, notre gourmandise préférée, jumelée au savoir-faire d'un artisan. De notre famille à la vôtre, Mark, Dana et Chris Edwards. » C'est beau, hein? Le premier ingrédient est en majuscule pour d'accord. montrer son importance, chocolat noir. Oh, là on jase. Là on jase. On jase mieux que les gars qui font des phrases d'approche en majuscule sur Tinder, hein? C'était quoi sa phrase déjà? Est-ce que. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Veux-tu être ma copine? Veux-tu être ma copine? Tu sais, à un moment donné, c'est comme pas obligé de crier, même. On a compris. Oh, c'est merveilleux, j'espère qu'il écoute pas. Donc, chocolat noir est le premier ingrédient, en majuscule. Caramel est en deuxième, bretzel en troisième et sel de mer en quatrième. Et chacun a des parenthèses pour dire qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce qui est contenu dans les bretzels, etc. Ça contient du blé, du lait, du soya et de l'orge. Et ça peut contenir arachides, noix et œufs. Et après ça, t'as une phrase encore en majuscule. Mm-hmm. Veux-tu être ma copine? Non, c'est garder dans un endroit frais et sec. Oh, mon Dieu. Tu sais? Ouais, le matin, hein, le matin, dis-moi pas ça de même. Hein. Non, je te comprends. Bref, ça, voilà, ça pogne au cœur. Snappers, douceur sucrée et salée au caramel, au bretzel croquant, chocolat noir et sel de mer. Je t'envoie ça. OK. Pour que le micro magique puisse nous. Youp! Oh, ouais. Oh. Voilà. Hein, je t'ai lancé ça fort, hein? Je te l'ai gagné. Hein? Mais tu es ma copine! OK, on s'excuse au gars qui m'a écrit ça. Oh, mais quand même, c'est lui qui devrait s'excuser, sérieux. Hein? Oh my God. On n'entend rien. Il est intense. Ouais, non, ça fait pas de bruit. Là, non, il est très intense, le gars. Est-ce que tu as continué de parler avec? OK. Brasse. C'est un autre sujet. C'est ça. Non, mais tu sais, il faut bien qu'on jase. Ah, ça sent bon, oui. Mathieu. Est-ce que tu sens le caramel? Non. Non. Je non. sens surtout les pretzels. Okay. Et c'est énorme. Oh, wow, mais ils sont vraiment. Ça disait sur la couverture qu'il était agrandi pour montrer la texture, mais t'as pas besoin de l'agrandir tant que ça parce que c'est énorme. Je te reprends avec le tout. Voilà. Merci beaucoup. Je retourne à mon micro. Oui. Voilà. Ah, c'est okay. Parce que je pense que j'en ai deux de poignées ensemble. Là. À la grosseur qu'ils ont, hey, là, c'est pour énorme! Vrai, hey, le caramel est reluisant dessus. Là. Ouais, c'est vraiment très beau. Et c'est pas mal, comme j'avais dit, une petite fleur, finalement. Le dessous est en chocolat noir pour faire tenir la fleur. Et vraiment, les bretzels sont comme à côté sur le caramel et le drizzle de chocolat par-dessus. Je ne vois pas tellement le sel. Il y en a un peu. C'est du gros sel, hein? Des gros morceaux de sel. Gros, tu sais, mettons, comme sel de mer. Sel de mer, exactement. Et voilà. Exact. Salé. Oui, salé. À l'odeur, oui, salé. Salé. C'est très, très caramel. Oui. Chocolat noir aussi, on sent vraiment beaucoup de chocolat noir. Le chocolat noir, oui, mais je dirais que le caramel, on a comme un petit peu de difficulté malgré le fait qu'il est très présent. Là. Oui, vraiment, c'est une grosse mode de caramel. À moins que le centre est peut-être fait en bretzel. Peut-être que ce qu'on voit, c'est comme un petit coulis de caramel par-dessus. Ah, tu penses? Parce que je vois un bout de bretzel comme cassé dedans. On va je voir. Je sais pas, hein. On croque? Peut-être pas autant de caramel qu'on pense. On oui, on croque. OK. Go. C'est plus sec que j'aurais pensé. Oui, moi aussi. Ça se mâche bien. Pas que là. C'est vraiment un gros morceau. C'est un énorme morceau. C'est pas mauvais. Ah, là, je distingue le caramel. Le sel est très présent. Ouais. Parce qu'évidemment, il y en a sur les bretzels aussi. Ça goûte surtout le bretzel. Ouais. Mais j'aime ça. Juste un gros... Ben, tu sais, parce que c'est un gros morceau, là, déjà en partant, là. C'est en masse. Vraiment. Et quand tu dis que ça pogne d'élan... Ça pogne vraiment d'élan. Ça pogne vraiment. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est bon. C'est pas aussi bon que j'aurais pensé. Oh, mon Dieu. J'aurais voulu meilleur encore. J'ai comme de la misère à enlever le caramel dans mes dents. Mais c'est vrai. Et pour essayer de parler, ouais, c'est assez difficile. Mm-hmm. Je le sais pas. C'est correct. Mais je m'attendais vraiment à mieux. Je pensais que le caramel serait... C'est dur de parler, on s'excuse. Là. Ouais, vraiment, désolé. Je pensais que le caramel serait un petit peu plus mou. Sucré? Mou, oui, moi, ben, moi aussi. C'est ça, quand je disais tantôt que c'était dur, c'est que le caramel, je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus mâchouillant comme un vrai caramel. Là, t'as comme l'impression, tu sais, les grosses barres de caramel, là, dures. Ouais, qui sont difficiles à mâcher. Là, les dans les boîtes de... rouges carottées, c'est là. C'est ça, écossais. Exactement, là, scotch quelque chose. Exactement, là. Ça ressemble à ça. Tu sais qu'il fallait que tu casses sur le bord d'une table au secondaire pour pouvoir en manger un mini-morceau. Tu mets au micro-ondes, genre, un petit 5 secondes. C'est un peu ça, là. Ouais, c'est un peu déplaisant pour ça. Mais la saveur est bonne quand même. Ouais. Je vais mettre mon pouce, je vais dire, sur le côté. Ouais, moi aussi, sur le côté, c'est pas je m'attendais incroyable. À faire des wow, c'est donc bien bon. Mais non, Snappers, une douceur sucrée et salée au caramel et au bretzel croquant, à saveur de chocolat noir et de sel de mer. C'est ce qu'on a goûté. C'est un sac refermable. On va certainement pouvoir en manger d'autres d'ici plus tard dans la journée. On a tout le temps des gens qui veulent en essayer. David Ferron, je pense qu'il vient le jeudi juste pour ça. C'est vrai. On va reparler avec lui. Mais deux pouces sur le côté pour ces Snappers. On prend une pause, le temps de se nettoyer les dents un exactement. Petit peu, prendre de l'eau, c'est pour ça qu'on avait prévu ça comme ça. Et au retour, le bloc de nouvelles de fast-food d'une grosse pointe d'adresse. Restez là. FM. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes toujours dans l'émission Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante et de Tania Baudin. Ok, oui, pas toujours terminé de laver nos dents, malheureusement. Non. C'est comme ça que ça fonctionne. Je t'ai vu mâcher. Est-ce que t'avais une deuxième bouchée? Est-ce que t'avais pris deux? T'avais pris deux. Hein? Ouais, ben non, mais j'ai juste terminé ce que j'avais pris en fait. Ouais. Puis c'est ça. Ça pogne toujours dans les dents. C'est incroyable. C'est l'enfer. Donc, tout à l'heure, dans quelques instants, on va se faire un deuxième bloc d'une grosse pointe en dresse. Le temps de vous dire qu'on a eu des nouvelles de Stéphanie Paradis. Petite question familiale. Donc, oui. Elle va être de retour avec nous dans deux semaines, probablement. Exactement. Mais on l'apprécie. Des excuses familiales, c'est toujours très excusable. Hein? Mm-hmm. On ne lui en veut pas du tout. Donc, avant de passer aux nouvelles de fast-food, on écoute Philippe Braque. Voici la fin du monde. Parce que c'est pas la fin du monde, tu sais. Mais non. Tu sais. Pas encore. Prends soin de tes affaires. C'est ça. Le calme en plus. fin du monde de Philip Brac. Avez-vous senti la petite pretzel? Oui, le pretzel. Maintenant, c'est la ça. Deuxième partie d'une grosse pointe en dressant. Ah oui, une grosse pointe d'adresse, c'est le bloc nouvelle de Fast Food. Il s'en passe des choses dans ce merveilleux monde que j'aime tant suivre du Fast Food. Mon Dieu! Ah, je sais bien, que voulez-vous, hein? C'est comme ça. J'arrête graduellement, mais l'intérêt ne s'en ira jamais. Mais non. Et on commence avec des Oreo Rocky Road. OK. Tu connais Rocky Road? Rocky Road, on parle de chocolat, de noix, amandes, guimauve, des trucs comme ça. Donc, des Oreo Rocky Road Trip. Apparemment que ça s'en vient. Ils vont faire de tous nos rêves une réalité. Selon The Junk Food Aisle, Rocky Road Trip est la plus récente variation. Chocolat, amandes et guimauve. Malheureusement, ça sort pas bientôt. Hein. Ça dit pour l'instant que ça devrait sortir à l'automne 2018 aux États-Unis. On dit aussi qu'il pourrait y avoir des Oreo à saveur de menthe poivrée. Donc, peppermint bark. Bark comme dans... Tu sais, ce qui goûte comme du chocolat à la canne de bonbons. Là. Oui. En genre d'écorce, si on veut. Ah, mon Dieu, c'est bon, ça. Tout ça n'est pas encore confirmé non plus. On vous tient au courant, oui. Ensuite, quelque chose qui est vu sur le marché en ce moment aux États-Unis, c'est la gomme Tic Tac. En fait, ça arrive en Amérique du Nord pour la première fois. Ça existait ailleurs dans le monde de la gomme Tic Tac. Mm-hmm. Je ne savais pas ça. On voit trois saveurs, donc Fresh Mint, Spearmint et Melon d'eau. Donc deux sortes de menthe et du melon d'eau froid, Cool Watermelon qu'on dit. Donc Tic Tac gomme, je ne sais pas trop. Tu sais, Tic Tac, je comprends pas. Le bruit est trop présent pour moi. Ça fait du bruit quand t'as du tic-tac dans ta poche. Oui, bon, c'est sûr et tu certain. Tu mets où ton contenant tic-tac dans ta sacoche, tu marches, puis ça fait clac, clac, clac, clac, clac, clac. Ouais. C'est pas le fun. J'aime pas ça. C'est pour ça que je l'achète pas. Mais rempli, il fait pas tant de bruit que ça. Ben justement. C'est un coup que tu commences à en manger que ça fait du bruit. Il faut que t'achètes un nouveau contenant à chaque jour. Exactement, tu sais, t'as tout compris. Combien de poids penses-tu que le Père Noël prendrait en mangeant le lait et les biscuits de chaque maison qu'il visite? Quoi, est-ce que t'es en train de me dire que c'est pas ça qu'il fait? Ben oui, mais c'est ça, mais combien de poids tu penses qu'il prend? Beaucoup de tonnes. Beaucoup de tonnes. Enfin, c'est vraiment précis. Donc, c'est une question pour Factor Label Method. C'est une méthode qu'on appelle donc d'analyse dimensionnelle, d'analyse des unités qui rend ce problème très simple à utiliser. La formule est sur l'article sur assemblagerequis.com, mais la réponse... Mais ça si dépend on... combien de biscuits ils mangent par maison. Ben justement, on s'imagine qu'un biscuit a 200 calories et qu'un verre de lait a 100 calories. Le résultat va varier dépendant de la sorte de biscuit. On a aussi imaginé qu'il y avait environ 2 milliards de maisons. Oh là là! Fois tout ça. Donc, selon le calcul savant, ça fait 400 millions de livres qu'il prendrait. Simple comme ça. Hein? C'est puis il passe dans votre cheminée. Des mathématiques. 400 millions de livres. Ça pourrait être 300, ça pourrait être 500, dépendant de ce que vous prenez comme style de biscuit, si votre lait est à 0% ou peu importe. Mais quand même, c'est énorme. Oui. Continuons avec des crémures. Tu sais, les crémures, les genres de, comment on appelle ça, Coffee Mate. Oui, des fois, ouais. Tu trouves en magasin pour mettre de la saveur dans ton café. Moi, ouais. Je trouve que c'est une saveur vraiment déplaisante. J'aime pas ça du tout. Oh, j'ai de la difficulté avec les saveurs dans les cafés. Là. J'aime les saveurs dans les cafés, mais j'aime pas les saveurs de... Coffee Mate. Ouais, je comprends. J'aime pas ça, leur saveur. Mais bon, ils ont un nouveau crémeur qui va faire que votre café du matin va goûter exactement comme les Oreos. Je suis pas certaine, j'aimerais ça. Ce serait trop... Je sais pas. Trop sucré le matin. Par une autre compagnie, je l'essaierais. Tu sais, à l'heure à laquelle on se lève le matin pour venir animer, je suis pas certaine qu'un café au Oreo, ça me tente. En fait, ça dit Oreo, mais c'est plus un Whoopie Pie. Est-ce que tu connais les Whoopie Pie? Non, pas du tout. Ils en ont chez Couche-Tard. C'est comme un genre de galette de biscuit brownie un petit peu, avec de la crème fouettée style entre les deux. Mm-hmm. Donc, eux, ils appellent ça cookies and cream pour y aller le plus générique possible, mais leur photo ressemble pas mal à un Whoopie Pie. Mais bon, l'article dit Oreo. C'est un mélange de choses, là. Café, biscuit et crème. Ben oui. C'est pas mal juste ça qu'on a à faire. Donc, c'est sur Instagram, c'est l'utilisateur Junk Banter qui a averti les gens de la sortie de cette bouteille de coffee creamer au chocolat crème. Ensuite, on revient encore aux Oreos, je te jure. Je sais pas ce qu'ils ont Oreos, mais ils sont pas capables d'arrêter, je pense. Hein? Ah ouais? On parle de Oreos Chocolate Peanut Butter Pie. Oh! Là, on est vraiment spécifique. On est sur une tarte. Ouais, on est sur une tarte. Au chocolat et au beurre d'arachide. Pas juste beurre d'arachide de chocolat. Une tarte. Parce que c'est supposé goûter les biscuits Graham aussi. Ça fait, tu sais, Graham, beurre d'arachide, chocolat. Ça fait beaucoup, là. C'est beaucoup en même temps, mais c'est comme un bon complément à des Oreos aux s'mores, que lui, il y aurait guimauve au lieu du beurre d'arachide. Fait que non, ça pourrait être quand même bon, je trouve. Parfait pour les fêtes. Très réconfortant l'hiver. Magnifique. Ensuite, on a des Pop-Tarts à saveur de milkshake à la vanille et aux fraises. Oh! Tu sais, quand on parle de précision, elles sont de retour. En fait, les gens ont parlé. Ils ont demandé le retour de Frosted Strawberry Milkshake Pop-Tarts. Et bien, maintenant, c'est apparemment de retour. On a aussi celui au milkshake au... est-ce que c'est Frosted Vanilla Milkshake? OK. Vanille ou encore fraise. Ce sont les deux sortes. Les deux ont été présentés pour la première fois en 2006 dans leur lignée de Ice Cream Shop de Kellogg's. Maintenant, ils sont de retour sans le Ice Cream Shop. Ensuite, le plus gros Starbucks du monde vient d'ouvrir à Shanghai. Hein? Et c'est assez impressionnant, je dirais. Peu importe le nombre de Starbucks que tu as visité, hein, tu sais que ça ressemble pas mal à un autre Starbucks. Oui. Maintenant, vrai. Le plus gros Starbucks du monde qui vient d'ouvrir à Shanghai est complètement différent des autres. C'est le Starbucks Reserve Roastery Shanghai. Donc, une nouvelle version de leur concept Roastery qui a commencé à Seattle en 2014. Et Roastery offre une expérience plus luxueuse pour les amoureux du café. Et ça vend des boissons qu'on ne retrouve pas dans les Starbucks réguliers. Le nouveau magasin Starbucks à Shanghai fait 30 000 pieds carrés avec 100 breuvages sur le menu. Ça permet aux gens de participer à la première expérience de réalité augmentée dans un Starbucks. Mm-hmm. Incroyable. C'est leur projet le plus ambitieux jusqu'à maintenant. Il y a des thés spécialisés fabriqués à partir d'un bar à thé imprimé en 3D. Ah, ben voyons donc. Ouais. Il y a de la nourriture artisanale italienne par Princi. Il y a un plafond fait de 10 000 tuiles de bois en forme d'hexagone. Inspiré par un shooter d'espresso pour venant vrai. D'une machine à espresso, je te jure. Incroyable. Donc, allez voir ça. Les photos sont sur assemblagerequis.com. Il y en a plusieurs. C'est quelque chose. Ensuite, on aimerait combattre les allergies aux arachides. Bien, certainement. Mais une arachide à la fois. Pardon? Et c'est une nouvelle québécoise, en fait. Les spécialistes québécois qui tentent d'aider les victimes d'allergies sévères en les exposant à des doses croissantes de la substance. Une stratégie qui ne fait pas encore l'objet de recommandations des organismes canadiens de santé, au contraire des États-Unis. Une clinique d'immunothérapie orale a ouvert ses portes le 31 août dernier au CHU Sainte-Justine. Le traitement proposé, appelé désensibilisation, ne fait toutefois pas encore l'objet de recommandations chez Santé Canada, dont le site affirme que la seule prévention possible est d'éviter l'aliment allergène en cause. Ben oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'était un peu se jeter dans la gueule du loup, non? C'est pas mal ce que ça veut dire. L'Institut national de santé publique du Québec suggère les mêmes mesures préventives. Aucune déclaration gouvernementale n'est en route au Québec ou au Canada en date de l'article, selon le Dr Bruce Mazur de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Pourtant, aux États-Unis, cette méthode d'exposition aux arachides est déjà acceptée. Par contre, les recommandations émises en janvier 2017 par l'Institut national américain de l'allergie et des maladies infectieuses ne sont pas encore appliquées de façon courante par les pédiatres, selon une étude récente. La Société canadienne d'allergie et d'immunologie clinique, une association d'experts du domaine, a participé au comité qui fut à l'origine de ces recommandations. Des études depuis 2007 sur les arachides, les œufs et le lait montrent des taux de désensibilisation se situant entre 73 et 87 % Au Québec, environ 300 000 personnes souffrent d'allergies alimentaires. Bien que de nombreux cas soient résolus avant l'âge de 7 ans, seulement 20 % des allergies aux arachides s'apaisent pendant cette période. Mais j'imagine qu'ils veulent un petit peu faire comme combattre le feu par le feu, mais je suis pas certaine que ce soit une merveilleuse idée. Ouais, c'est ça, je ferais... Du moins, jusqu'à présent. Ouais. On va attendre que les tests soient un petit peu plus nombreux et que les preuves soient plus là. Hein. On parle de céréales maintenant avec Kellogg's qui nous amène ces nouvelles céréales Donut Shop. Oh boy! Des beignes! C'est rose, hein? Ouais, c'est des beignes en céréales avec la saveur Pink Donut. Donc, c'est pas une saveur de fraise, c'est une saveur de beignes rose. OK. T'sais? Et on a aussi une autre, je me rappelle pas, l'autre, c'est à quoi? Il me semble qu'il y avait une autre saveur de ça, mais bon, peu importe. Hein. On parle ici donc de céréales en forme de Cheerios. Mm-hmm. Hein? Et puis ça goûte le rose. Ouais, ça goûte quoi le rose? C'est parce que souvent on associe le rose avec la saveur de fraise, mm-hmm. la saveur de framboise. Ouais. Mais là, ça dit rien. La critique dit simplement que les Kellogg's Pink Donut Cereals sont bonnes et goûtent exactement comme les choses spécifiques roses qu'on connaît déjà dans les déjeuners. Donc j'imagine que ça goûte pas mal les Fruit Loops roses, probablement. Ouais. Une saveur inconnue. C'est ça. Peut-être fraise, c'est supposé être des fraises, mais ce n'est pas vraiment. On va chez Taco Bell maintenant qui teste un burrito rempli de frites. On a déjà vu chez McDonald's, entre autres, des burritos matin avec des patates à déjeuner dedans. Ouais. C'est très bon, je trouve. Ici, on a les Loaded Fries Burritos qu'on teste à Charleston, en Virginie-Occidentale. Le test est en trois saveurs, trois variétés. Suprême, Californie et Chipotle. Ah, donc okay. Le suprême, c'est du bœuf assaisonné, des frites assaisonnées, des tomates en dés, du fromage nacho, de la crème sûre, tout ça enveloppé dans un tortilla de farine. La version Californie, c'est les mêmes ingrédients, plus de la guacamole. Ooh. Et la version chipotle, c'est ça ajoute de la sauce chipotée à la place de la guacamole. Hey, hein, grosse différence. Révolutionnaire! donc, ajouter des frites à vos burritos, c'est pas quelque chose qui n'a jamais été fait. En fait, leur rival Del Taco a déjà offert plusieurs burritos avec des frites à l'intérieur. Mais bon, Taco Bell s'y amène aux États-Unis en test. Oui. Ensuite, on a déjà parlé de ce soda au jus de cornichon. Apparemment que ça fait fureur. Ah ouais? Ouais, apparemment. Donc, Pickle Juice Soda qui vient de chez Grandpa Joe's Candy Shop, une chaîne de magasins de bonbons en Pennsylvanie et en Ohio. Et apparemment que les émotions sont très partagées. Si c'est un soda, ça pétille. C'est exact. Je pense que je l'essaierais. Ben moi aussi, parce que tu sais, j'essaierais tout. Hein? Donc le magasin a annoncé ce soda-là sur sa page Facebook en disant que si vous êtes le genre d'amoureux de pickle qui aime les choses qui sont marinées, ça va être a really big deal, comme dans le jeu de mots avec Annette. Selon leur site web, le soda est fait de sucre, de canne de sucre, oui, et c'est vendu chez Grandpa Joe's Candy Shop pour seulement 2,50 $ US. Et si vous ne vivez pas là, vous pouvez l'acheter en ligne sur grandpajoescandyshop.com pour 10 $ US. Ou sinon, un emballage de 3 pour 20 $, ou un emballage de 6 pour 30 $, tout ça US. Et les utilisateurs sur Twitter ont plein d'opinions là-dessus. Donc, y en a qui aiment ça, il y en a qui détestent ça. C'est pas mal partagé. Ouais. Faut l'essayer un jour. Il faut en trouver. On avait cherché à savoir si on pouvait s'en procurer ici. Ouais. Ici, je me souviens bien, c'était impossible. Impossible. Alors, on va se remettre sur la recherche, savoir si des gentilles personnes ont importé la chose au Canada. On se revient avec ça. Absolument. Alors, on a parlé la semaine passée de céréales de Mario, Super Mario, en partenariat avec Kellogg's. On a quelques détails de plus là-dessus. Finalement, j'ai vu une critique vidéo et ça goûte exactement pareil comme les Lucky Charms, exactement comme je l'avais prévu. On avait juste la photo la semaine dernière et là, on sait vraiment que les guimauves à l'intérieur sont des guimauves style Lucky Charms. Bon. Donc, des guimauves en point d'interrogation, des trucs comme ça, très colorés. Ça vient avec une boîte édition limitée qui est disponible à partir du 11 décembre. C'est que la presse l'a déjà reçu à l'avance, la presse comme dans les médias, oui. Les YouTubers. Donc, la boîte a un joli petit dessin de Super Mario Odyssey. Et la boîte est un accessoire Amiibo pour interagir avec le jeu Mario Odyssey. Ça donne des scènes et des cœurs une fois de temps en temps dans le jeu au hasard. C'est vraiment le fun. Et même que l'emballage donné aux médias avait à l'intérieur de l'emballage un bol rouge Mario, ouais, et une cuillère. Oh, mon Dieu, c'est bien. C'est vraiment le fun. Ensuite, on se demande pourquoi est-ce que le chocolat de calendrier de l'Avent goûte différent du chocolat normal. C'est vrai. Hein? S'il y a une chose qui rend notre hiver un petit peu moins misérable, c'est bien du chocolat un chocolat par jour. Hein? Mais il y a plusieurs alternatives quand même. Si vous n'aimez pas le chocolat, sachez-le. Oui, absolument. Des cafés, du vin, plein de choses comme ça. Du thé aussi. Du thé, ben oui. Des gratteux. Des gratteux? Oui. Des gratteux? Oui. Pour vrai. Je te le dis. Bref, on dit que dans l'article, on nous dit, bon, OK, tu pourrais te prendre un morceau de bar Hershey à tous les jours, mais le rituel de trouver la bonne porte pas dans l'ordre et de savourer ta récompense, c'est ce qui rend le tout spécial. Mm-hmm. Mais est-ce que c'est différent du chocolat normal? Ben, ça dépend du calendrier. Si vous achetez une marque venant d'un manufacturier de chocolat, comme un calendrier spécifiquement de Cadbury ou de Lindt, le chocolat va goûter pas mal pareil, hein, même si la forme va changer. Les calendriers de l'Avent, leurs chocolats sont souvent très, très minces et généralement viennent en carré avec les coins arrondis et une petite forme sur la surface. Certainement. Ce qui veut dire qu'il va fondre très rapidement sur la langue et le fait qu'ils sont plus larges et plus minces, ça veut dire que tes papilles gustatives vont recevoir du chocolat de façon intense. OK. Même si tu le prends par bouchée, tu vas trouver que ça goûte différent à cause de la surface, la superficie du chocolat. Et ensuite, on dit que ça goûte différemment parce que tu y portes plus attention. Oh. Quand tu manges du chocolat, normalement, tu fais juste le manger, ouais. Puis il n'y a rien là. Là, dans le calendrier, tu le mets sur ta langue et tu y goûtes, tu le savoures parce que tu sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein? Ah. Si t'as un calendrier plus générique, par contre, là, c'est que t'as un type de chocolat que tu manges un petit peu moins souvent. Ouais. Du chocolat cheap, c'est même pas du vrai chocolat, c'est ce qu'on appelle du compound chocolate. Ce qui veut dire qu'à la place d'être fait de barres de cacao, c'est fait de grappes qui valent moins cher. Donc, c'est fait souvent avec de l'huile de palme. OK. Hein, ou sinon de l'huile de noix de coco. Mm-hmm. C'est ce qui donne une saveur différente comparée au vrai chocolat, ainsi qu'une texture différente. C'est un petit peu plus huileux. Un petit peu plus ciré, oui, comme oui, chocolat. Oui, oui. Le compound chocolate qui est plus facile à mouler en forme. Et bien sûr, ça coûte moins cher, donc c'est idéal pour les calendriers de l'Avent. Hein? C'est pour ça, donc, que ça goûte différemment. Mais si vous avez la chance de goûter à ceux qui sont du type Kinder Surprise, ouais, c'est pas la même ils chose. Sont excellents. Et même chose pour ceux de Lindt. Et ouais, Colin Lindt. Ça, là, Lindt, hein, pour vrai, la meilleure compagnie pour moi pour le chocolat. Savais-tu que les gorilles se chantonnent des petites chansons pendant qu'ils mangent? Non, je ne savais pas ça. Selon les chercheurs, c'est vrai, comme les humains, des fois, hein, les chercheurs nous apprennent que les gorilles vont faire des bruits de menoum menoum pendant qu'ils mangent leur repas, selon New Scientist. Ça a été publié récemment dans le journal PLOS ONE, rassemblé par la primatologue, je crois, allemande, mm-hmm. Eva Loof, du Max Planck Institute of Ornithology, et ses collègues Thomas Brewer et Simon Pica. Bref, les chercheurs ont étudié deux groupes de gorilles dans la République du Congo et ont observé les créatures en train de chantonner et de faire des en mangeant leur nourriture. Deux types de sons ont été enregistrés. Un son qui sonne comme si le gorille laissait aller un petit contentement, un petit soupir de contentement, comme dans « Ah! » Okay. Et un autre son qui sonne plus comme s'il chantonnait une chanson un petit peu au hasard. Ils chantent pas la même chanson tout le temps. Hein. Ils vont avec des rythmes différents. Ben oui, clairement, selon ce qu'ils mangent. Ben c'est ça. On dirait qu'ils composent leur propre chanson. C'est fascinant, n'est-ce pas? Apparemment qu'ils font ces vocalises-là pour exprimer leur satisfaction devant leur repas. Leur nourriture préférée, comme des fleurs, des graines, de la végétation aquatique, c'est ce qui amène le plus de chansons heureuses, alors qu'un repas rempli d'insectes pourrait être un petit peu moins vocalisé, si on veut. Ah, OK, parce que c'est moins bon. Et voilà, et c'est surtout les adultes, les mâles, en fait, adultes, qui chantent plus. On dit que c'est peut-être le fait que les femelles et les enfants essaient de ne pas attirer l'attention pour éviter les prédateurs. Ah. Eh ben, intriguant tout ça. Voilà, ça va être tout pour ce blog d'une grosse pointe d'adresse. Les liens sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 1169. Et c'est là-dessus qu'on va terminer notre émission pour aujourd'hui. Donc merci aujourd'hui à Véronique Mire qui nous a fait sa chronique de la Véroniclopédie. Merci à Stéphanie Paradis qui s'occupe de ses problèmes familiaux en ce moment, mais oui, on va la retrouver très bientôt. On la salue. Oui, on la salue. Merci de nous avoir écoutés malgré tout, Stéphanie. Absolument. Demain, évidemment, nos meilleurs moments de la semaine. Oui, dans notre édition week-end. À partir de 7h. À partir de 7h, comme toujours. Sur nos ondes, dans une heure environ, ce sera Patriote en action avec Marc-Olivier Dumas. Ensuite, on a la réduction du Mathieu Plante Show avec moi-même. Ne manquez pas ça à 13h. Plus tard en journée, on avance à Très Blues Assez Fou en direct à partir de 19h avec Denis Baudin. Mais Denis Baudin, il sera pas là. Attends un peu. Comment ça? Ça va être animé par quelqu'un d'autre? Ben oui, ça va être animé par l'équipe derrière Denis Baudin. Non. Bien évidemment, Pat Boucher et Nise Bourgeois qui devraient être en studio. Mais Denis Baudin est en fait à Las Vegas cette semaine. Donc, il sera pas en direct. Mais c'est cool que l'émission soit là quand même. Oui, ben oui, tout à fait. Génial. Donc, Très Blues Assez Fou à partir de 19h et jusqu'à 22h. Sifou.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes de l'émission Les Balados de Diffusion. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. À demain. À demain. 7h. Bon café, tout le monde. Bye. Oubliez pas la grande guignolée. Oui, à 10h30 jusqu'à 10h30 midi. 10h30 jusqu'à midi. On va être au coin de Pierre Boucher et de. Le P5. Le P5. Oui, exactement. Je ne me souviens plus du nom. À tantôt. Bye, tout le monde. Bye.